Bienvenue dans la fucking kermesse. La blague. Bonjour à tous, c'est la fucking kermesse numéro 18. C'est super, on est tous super chauds. Bonjour à toi Melin, bah, si tu n'es pas de saison, on aurait aussi pu s'appeler Da Vinci Code Quantum pour voyager dans des enfants, mais on aurait eu peur connaître que des prêtres non. Oui. Excellent. Il l'a fait après 18 tentatives. Alors autour de moi il y a Steven. Salut Steven, ça va? Salut les copains. Salut les copains, ouais, club bah. 50 carrément, Dorothée. Salut les petits clous. Et salut à toi Zaza, Zaza qui est de retour. Oh putain, c'est la marotte hein. Oui je suis là, je suis de retour. Pour de bon cette fois-ci? Pour de bon, jusqu'à ce que mon visa expire. Et pour l'instant tout va bien. D'accord, et si on veut te joindre on fait comment en ce moment? Non pardon, c'est une petite blague privée mais n'en parlons pas. Elle est pas très drôle, elle te fait pas rire. Non. Elle te fait pas rire. Alors, il faut quand même préciser que Zaza s'est fait voler son téléphone et que c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Achetez-lui un téléphone d'ailleurs. Un petit Alcatel. Ah bah si Quacos peut avoir un scooter, pourquoi j'aurais pas un petit Alcatel? Ouais. C'est vrai. Un petit téléphone bloqué à 15 euros. Montrez-nous que nos auditeurs ont du pognon. Ça serait bien, ça ferait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? On parle de la théorie des complots. Mais déjà, on revient. La théorie Les théories du complot. Ok. Voilà. Déjà, j'ai l'AFK peur. Revient vers, après un petit c'est moment d'absence. Ouais, un petit moment d'absence, ouais, on a fait un coma, mais là, on peut le dire. Mais ouais, ça fait quoi? Ça fait bien depuis janvier. Depuis janvier qu'on n'a rien fait. La dernière fucking kermesse sur l'émergence en jeu vidéo, hein, qui a bien sûr. Ouais, bah du coup, moi je dirais que vous avez rien fait depuis septembre. Mais bon, c'est moi. Ah, mais toi, oui, Zaza n'a pas aimé la fucking kermesse. Alors dites-lui qu'il est con et qu'il ne sait pas s'amuser. Ok. Voilà. Petit non. Règlement de compte en direct, ça va bien, les gars. C'est sale. Non, mais voilà, on revient. On espère plus régulièrement qu'avant, quand même. Ce serait bien, ce serait la moindre des choses. Hein. Bah, déjà, bordel. On remercie l'apéro du capitaine pour nous prêter un peu de matériel. Bien sûr, allez leur donner de l'argent, des scooters, des guitares, tout ça. Enfin, tout, hein, tout ce qu'ils ont déjà, tout ce qu'ils veulent. Ah, on sent une pointe de somme. Hein, mais non, pas du tout. Attendez, ils me versent un salaire tous les mois, c'est brave gens quand même. Hein. Ouais. On va les remercier gentiment. C'est vrai que maintenant, j'y travaille au meilleur des mondes. Au cybercafé du capitaine, merci à lui. Moi je suis allé voir l'autre jour, Stavro travailler. Ah, c'est une expérience. Hein. C'était un dimanche, il y avait beaucoup de monde donc j'ai fumé ma clope en le regardant travailler. Pas les gens, c'était, tout ça. C'était super marrant quoi. Il était sérieux, il tout disait bonjour madame, vous voulez une reliure? Oui, pas de problème. Il était on appelle le baron de la reliure dans le milieu. Le plus poli du monde quoi. Non mais le pire c'était quand même hier où il y avait tellement de fierté dans ses yeux quand il m'expliquait qu'en tant que commerçant de quartier j'avais le droit à un deuxième cookie chez Subway quand même. Bah, il faut profiter de ces avantages sociaux. Quoi. Maintenant, je... ouais, sociaux, c'est bien le terme. Maintenant, je suis quelqu'un, je suis un cybertenancier. Ouais, t'es quelqu'un, ouais. Gardien de phare numérique, enfin voilà quoi. Les gens à faire des A4, c'est une vocation. T'es rentré dans le game. Oh. Il peut dire qu'au niveau complot, j'en vois passer tous les jours hein, des complots, des gens. Ah oui, qui tu peux nous en parler. Qui ne sont pas d'accord. Des clients du cyber. Non, je peux pas en parler parce que c'est le secret professionnel, le secret entre le photocopieur et le photocopié. C'est bien connu. C'est dans la convention de Genève. On est lié par le secret du A4. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc théorie du complot par-ci, théorie du complot par-là. On va en parler dans la pop culture, donc dans les films, les cinémas, pour analyser un peu leur structure, hein, n'est-ce pas? Ce qui les rend si fascinantes en tant qu'outils scénaristiques et en tant bien sûr que mythologie dans la pop culture, hein, simplement, voilà. Pour ensuite se déverser petit à petit, telle une petite flaque de savoir, jusqu'au complot réel. Au complot réel, à ceux qui existent réellement dans la tête des complotistes. Ah oui, voilà. Tels qu'Alain Soral et compagnie. Et voilà, on va partir du coup de la fiction pour rêver dans la réalité, dans le seum, dans le triste, dans les gens qui cliquent sur YouTube parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Donc, Zaza, quand est-ce qu'on a décidé que Stavro présenterait l'émission? Je sais pas, il y a eu un haro sur. Ouais, je pense qu'il a pris le truc et tout, il s'est dit, moi je présente bien. Alors on va parler des complots. Puis d'abord les pas réels, puis après ce sera les réels. Est-ce que t'aurais mieux fait au lieu de te moquer comme ça? Peut-être pas. Bah voilà, bah on ne saura jamais. Mais bien, moi je suis pour que. J'ai jeté ma clope sur le visage de Steven sans faire exprès. Mais moi je suis. Carrément sale. Je suis pour que ça soit ça ou Steven qui présente une fucking kermesse bientôt. Dites-nous. Faites-nous un sondage. Voilà, hashtag. Hashtag. Hashtag canoë pour savoir bien sûr si l'un d'eux pourrait présenter l'émission et si ce serait bien qu'il le fasse. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? On commence naturellement, traditionnellement, avec bien sûr la plus grande des cérémoniosités. Cérémoniosités, c'est un mot qui n'existe pas encore, mais bientôt. Mais on commence comme ça. Avec le roue plateau. Hein? Allez, les petits loups, les petits potes. Alors, le roue plateau, on le commence tous en cœur avec bien sûr Zaza. Zaza, de quoi tu vas nous parler pour ton grand retour? Bien sûr qu'on a oublié de préciser avant. Oh, tu vas me casser les couilles. Alors, Zaza. Qu'est-ce que tu vas nous dire le aujourd'hui? Le retour d'Aladin. Bonsoir Sassa. Bonsoir. Bonsoir tes parents. Tu vas nous chanter quoi? Moi je vais vous chanter du Samina Seri. Oh. Du Samina Seri parce qu'il est sorti de l'ombre. Je sais pas où il était d'ailleurs ce monsieur. En prison hein. Ah, ah bah il est vraiment sorti. D'accord. C'est très bien. C'est pour ça qu'il a une seconde chance. C'est très à propos. Ah mais c'est ça. Et donc il nous vient avec un clip, donc une seconde chance. Magnifique, posté sur les internets hier du coup. Hier ça parle beaucoup aux gens vu que l'émission va sortir en juin. Mais je m'en bats les couilles des gens. Donc hier en mars du coup. Hier en mars. Et donc il vient nous faire un clip de slam rappé, de rap slamé, de slammy rap, où il vient nous parler de sa seconde chance. Avec des punchlines assez magiques. Déjà il a pas de flow, c'est fou. Bah, je crois que même Grand Corps Malade a plus de flow que lui, c'est dire quelque chose. C'est vrai. Bah, non, je peux vous donner un extrait. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains gloussent. Ah et ouais. Et là on a tout compris. Ah bah, sous ça sur un fond de clip où il coupe du bois, il chasse la biche, mais au dernier moment il se ravise. Et il court avec son chien. Il se ravise sans doute parce que visiblement le mec n'a jamais chassé aussi. Oui probablement. Probablement. N'est pas bon de dire qu'il veut. Non mais c'est moche, c'est pathétique et c'est triste parce que j'ai rarement vu des vidéos où en une journée t'as déjà trois fois plus de pouces rouges que de pouces bleus. Et ça c'est une belle performance. Le pire c'est que dans le clip à la fin il y a un extrait de Taxi. Où quand tu dis ah mais attends c'est que lui. Ah mais oui. Il jouait dans Taxi. C'est vrai, un jour il a été bien. Ouais, non, il s'est fait défoncer hein. Ah il s'est fait Twitter, défoncer hier, ouais. Mais le pire c'est qu'il a déjà eu une seconde chance. Enfin la prison c'est une seconde chance après Taxi presque. On lui... Oh, c'est marrant ça. Bah oui c'est marrant. C'est bon esprit, c'est bon enfant, bravo. Merci. Voilà, Samina Seri, bonjour. Donc voilà, tu nous présentes des œuvres de merde comme ça sans aucun souci. C'était ton plateau. Hier j'ai vu une vidéo sur YouTube. Et elle avait beaucoup de pouces rouges, c'était intéressant. Alors moi mon plateau c'est le chien qui pète, hein, 6 millions de vues. Non mais on voit que c'est bien. Ça m'avait pas manqué hein. C'est bien qu'il prépare l'émission en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On en reparlera après. Du coup, Steven, t'as un meilleur roule-plateau ou pas du tout? Alors, moi j'ai un roule-plateau plus. Bon, je sais pas si plus c'est quoi meilleur. Hein, plus quoi? Bah, plus développé déjà. Tu viens de parler de quoi? Bah, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Eh, c'est une blague, les gars. C'est un documentaire de Peste Noire. Alors, Peste Noire, c'est un groupe de black metal français. Ah, black metal français. Oui, oui, qui musicalement est sans doute un des groupes les plus intéressants. De la scène black metal en général. Et idéologiquement? Alors idéologiquement c'est un peu plus tendu. Bah c'est du black metal quoi. Non, parce ça parle de violer des enfants en écoutant pas spécialement, Satan. Non, pas spécialement. Justement dans le documentaire il dit que bon, lui il est sataniste mais c'est plus un petit diablotin. Il dit, je cite de mémoire, je suis pas un vrai sataniste, je suis pas Marc Dutroux, Guy Georges ou Manuel Valls. Il a dit ça? Ouais. C'est génial. Il est rigolo ce homme là. Il est marrant. Ouais. Sacré peste. Et donc ouais, idéologiquement c'est un peu plus tendu parce qu'ils ont commencé... Enfin, la première piste de Peste Noire, c'est quand même Aryan Supremacy. Ça pose les bases. Ça pose le cadre. Supremacy, après, ils ont Aryan continué sur voilà. Des. Sur merci, des... traducteur. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu traduire. Ils ont continué sur des pistes un peu plus black metal traditionnel, de trucs sur Satan et tout. Puis après, il y a eu un petit revirement, comme en ce moment dans le black metal, où on vire un petit peu à l'extrême droite, on devient un petit peu nazi. Puis... Parce qu'avec Supremacy Aryan, ils n'étaient pas encore nazis. Non, mais c'était plus nazi. Chauffer. Voilà, c'était plus. Nazia. C'était plus de la provoque. C'était plus de la provoque. Qui n'a jamais fait une petite croix gammée pour emmerder ses parents? Bah, si tu veux, oui. Non, mais je sais pas, tu me dis c'est de la provoque, c'est pas de la provoque, il était déjà bien parti. C'était, quand même, ouais, mais c'était plus fait dans l'esprit provoque, c'était très sporadique dans les trucs. Maintenant, c'est assez structurant. Et aujourd'hui, il fait du black metal de campagne pour. Ah, de label rouge, un label noir. Ouais, c'est ça. Non, pour comment dire, revaloriser la campagne française. Nos terroirs ont du talent. Ici, voilà, Peste Noire, on a Auvergne. Ils chantent le terroir. Ils chantent le terroir. C'est ça. Mais t'es sérieux? Et du coup, son dernier album, c'est ce qui s'appelle La Chaise du Diable. En route. La Chaise du Diable. La Chaise Diable. Ça veut dire quoi? C'est comme. Je pense que c'est une parodie de La Chaise Dieu à Lyon. Ouais, s'il faut connaître. Et c'est sa maison, La Chaise Diable. Et donc il vit en Auvergne, je sais pas où, et il chante. T'as pas de licence pour critiquer les jeux de mots pourris. Ouais, c'est bon. Vrai. Tu fermes bien ta gueule. Comment t'appellerais ta maison, toi? Bah, j'ai pas envie de dire. La caverne d'Ali Bouboule. Et donc il chante sur son dernier album ce terroir français. Oh, tu black metal sur le terroir français. Et oui, ça c'est quand même génial. Ça a changé. Un feat avec José Bové, tout ça. Non, c'est pas trop le même genre de délire. C'est un peu plus à droite que José Bové. Et du coup, ils ont sorti un documentaire consacré à... on sait pas trop à quoi, en final, parce que le mec fait de... Et le mec, il a un rôle plateau plus préparé, plus structuré. Oui, parce qu'en fait, le mec fait un documentaire sur son travail et fait constamment de l'anti-jeu avec le mec qui interview. C'est-à-dire qu'en gros, il refuse de répondre aux questions. Mais c'est intéressant parce qu'il développe un peu justement cet aspect idéologique de Peste Noire. Ah bah ça a l'air intéressant, oui. Alors finalement... Non mais il explique que par exemple il a été invité par le GUD. C'est quoi le GUD ? C'est le... je sais plus comment... Groupe d'Union... Démoniste ? Non, c'est en gros c'est un syndicat, d'extrême droite assez vénère. Le GUD. Donc il a été invité par eux, mais il a refusé d'y aller parce qu'il prône le satanisme. Non, justement... C'est que l'extrême droite prône quelque chose d'assez vertueux, au final, selon lui. Et lui, c'est le vice avant tout. Donc il explique que. Il explique que justement. Il a une ligne de ça conduite. Ça fera un beau slogan de campagne, ça. Le vice avant tout. C'est ça. Il explique qu'en gros, il fait des petites références au. Oh là là. Black metal national-socialiste, parce que c'est des petits clins d'œil, mais que ça l'emmerde un petit peu d'être affilié à ça, parce que les c'est mecs. C'est vrai que l'extrême droite, ils font beaucoup de clins d'œil en France. C'est ça. Parce que sinon, ils ferment les yeux, parce qu'ils sont bornes. C'est drôle. Et, donc, du coup, il fait des clins d'œil, mais ça l'emmerde d'être enchaîné à ça, parce que c'est des mecs qui vont l'emmerder. Parce qu'il a mangé un kebab, du coup c'est un traître à sa race, dit-il. Ou parce qu'il a enculé un trans, parce qu'il était trop beau. Ça dépend quelle sauce. Algérienne ? Samouraï ? Sauce blanche, c'est bon. Sauce blanche, ça passe. C'est vrai, ça passe. Ouais. Non mais c'est assez intéressant parce qu'en gros, il dit que lui, sa seule limite, c'est qu'on ne mélange pas les races et après on fait tout ce qu'on veut. À partir du moment où la race est pure... Mais c'est comme les vêtements dans la machine. Pas les noirs et les couleurs ensemble. Je crois que c'est un peu ça le délire. Après, tu mets le programme que tu veux, il en a rien à foutre, mais juste tu mélanges pas les couleurs. Donc, si vous êtes intéressé par le black metal français, sachant que Peste Noire est quand même musicalement un des groupes les plus intéressants au niveau de ce qu'il propose, une sorte de mélange entre le punk et le black metal, allez voir ce documentaire qui est somme toute perturbant. mais intéressant. Putain, Steven, on sent que ta jeunesse remonte parfois, ta jeunesse de black metaleux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Sabro, t'as un rôle plateau ? Un rôle plateau, bien sûr. On va parler du projet de notre camarade Alexis, que vous avez entendu dans divers fucking kermesses, la 10, la 11 on et la 15. On s'en fout, 15. On s'en Alexis, fout, quoi. Et de hooliverse.fr. Et il lance Analeps, un podcast sur YouTube, une chaîne sur YouTube qui parle d'histoire et de fiction, qui permet, via la fiction, de mieux comprendre l'histoire. Ah, c'est génial, hein. Il a trouvé son concept grâce à la fucking kermesse, je pense. Tu peux nous le dire, Alexis, maintenant, c'est pas grave, on t'en veut pas. Et du coup, par exemple, le dira si ça marche. Son premier épisode était sur les guerres en Europe de l'Est et sur Srebrenica. Srebrenica. Le nom change à chaque fois. Oui, Srebrenica, hein. Voilà. Oui. Bref, parce que moi je le dis avec l'accent hongrois, du coup c'est pas la même prononciation. Ah, c'est ça. Et ensuite, il a parlé du coup de plusieurs BD qui évoquaient le sujet pour ensuite expliquer si les BD étaient bien conformes à la réalité, etc. C'était plutôt intéressant. Et le second numéro est sur l'occultisme nazi, donc il parle d'Indiana Jones qui combat des nazis, d'Hellboy qui combat des nazis, et du coup de ce qu'étaient vraiment les nazis par rapport à la magie noire, etc. Parce qu'il y a beaucoup de faux semblants, de fausses vérités sur les nazis et la magie. Hein ? Voilà, parce que... Et du coup, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien, c'est en 20 minutes. Il n'y a pas Alexis face caméra qui dit alors les enfants aujourd'hui. Non, juste des images DVD. Ça aurait peut-être été mieux si on avait vu Alexis qui disait alors les enfants. Peut-être qu'un jour il va le faire. Ça aurait ressemblé à Nota Bene, c'est de la merde cette émission. Donc, D'accord. C'est pas Nota Bene ? Non, mais j'ai écouté 10 minutes d'Analeps et c'était bien. Non, Analeps c'est vraiment super. Moi, et c'est pas parce que c'est un copain, Alexis, parce que vraiment c'est intéressant. Moi ça m'a plu, j'étais surpris même. C'est un format de 20 minutes qui se regarde vraiment super bien. Si oui. Vous avez 20 minutes à perdre, rien foutre. Comme une bonne pastille de Vichy, ça passe. Faut le dire. Comme une quoi ? Une bonne pastille de Vichy. C'est une référence aux nazis ? Non, même pas, non. Ah, pour avoir la laine fraîche, je sais pas. Écoutez, podcast sponsorisé. C'est Vichy ou les Vosgiens, de toute façon. Hein, y a pas... Ah, que je dis t'as pas parlé dans les news de l'AFK qu'on s'était fait retweet par Flunch, du coup ? Non, que je m'étais fait retweet par Flunch. C'est vrai. Moi, j'ai essayé toute la journée de négocier un contrat pub avec eux. C'est vrai qu'après, Steven était là. On pourrait faire gagner des menus dans la fucking kermesse et tout, mais il voulait pas. Et au début, le mec était un peu chaud. Puis après, peut-être il a regardé qui on était. En tout cas, oui, j'ai été harté par Flunch et c'était vraiment bien. Merci à eux. Big up. Mais faites pression sur Flunch, les auditeurs, pour que. Ouais, allez. Alors c'est ça, on vous le demande avec en toute sincérité. Allez sur la page de Flunch, faites @Flunch et dites un partenariat avec la fucking kermesse m'inciterait à manger à Flunch pour mieux fluncher. Écoutez la fucking kermesse. En vrai, ce que vous voulez, mais qu'on ait un partenariat avec Flunch, quoi, qu'on décolle enfin dans le qu'on game. Qu'on vous fasse gagner des menus moules frites à Flunch. Hein, vous seriez pas heureux ? On se démène pour vous. Voilà. Tu sais, on fait un petit concours de chant, il faut chanter le générique de Flunch. Il y a un générique de Flunch. Non, mais on va Fluncher. Ouais, voilà, tu vois, il faut chanter ça. Nous, on le diffuse dans la FK et on fait gagner des menus aux meilleurs. Oh, ça serait génial. Ça serait excellent. Un peu The Voice, mais. Est-ce que nous, on peut jouer? Ouais, bien sûr. Oh, bah ça va alors. Il n'y a pas de connivence. Ici, 5 sur 5 indépendance. Hein. On s'en souvient. Bon, merci à tous. Et il a dit le mot magique. D'ailleurs, ça, complot. Complot comment? Complot par-ci, complot par-là. On va voir ça tout de suite. Complot de pommes? Oh bah alors, allez, on vole ma blague et tout. Il a dit toute la soirée, fais pas cette blague, elle est pas drôle, elle est pas drôle. Bah non, je l'ai gardé pour moi. Ah, le mec vole des le blagues. Le mec complote, le mec complète. Et le bon, mec allez, complote. Vous m'avez saoulé. On passe à la première partie de l'émission, le complot dans la pop culture, dans la fiction. Analyser les structures scénaristiques du complot dans les films, les séries et tutti quanti. Et maintenant, on se lance. Ça fait 10 fois que tu dis on se lance. Et allez, on démarre. Et allez, on se lance. Et on démarre. Et on démarre maintenant. Et on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. On démarre. Alors on commence en fait pas vraiment parce que j'avais oublié que Steven, d'ailleurs j'ai jamais fait le sommaire dans l'émission, mais vous découvrez ça bien au fur et à mesure. Bah tu hein. peux dire qu'est-ce qu'il y a en gros dans l'émission. Non mais comme ça permet de couper si c'est de la merde après. On coupe rien ici. On coupe rien, on laisse tout. Ici on dit tout. Ici on dit tout les chéris, hein, pas de soucis. Hein, alors. Un problème à la paupière Steven. Hein. C'est vrai. On coupe rien. Allez. Allez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un instant français, introduction chronique de Steven qui veut nous parler, qui a envie de s'exprimer avec sa prose bien sûr qu'on connaît bien et qu'on admire tous. Steven, inénarrable. Toi, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai écrit cette. Ça va? Ça va très bien. J'ai écrit cette chronique dans le train avec une vieille dame fort sympathique qui était à côté de moi, qui au début du voyage était vraiment très gentille. Et après, elle a lu ce que j'écrivais et j'ai senti quelques petits regards insistants. Lorsque j'ai écrit certains mots sur mon truc. Donc la chronique s'est faite dans un certain malaise général de 3 heures et demie. C'est long, 3 heures. Ce qui est signe de qualité. C'était très long. Donc, mes chers compatriotes. Malaise de 3 heures et demie, c'est donc la sextape d'Alexandre. Par contre, alors déjà, on n'a rien compris. On n'a rien compris à ce que tu as dit. Alors je vais la refaire, attention, vous êtes prêts? Un malaise de 3 heures et demie, c'est le nom de la sextape d'Alexandre. Merci à tous. Bon, je peux commencer la chronique ou comment ça se passe? Allez, on démarre. Mes chers compatriotes. Nous voici de retour pour une émission consacrée au complot. C'est le moment de vérité. On va découvrir enfin si l'AFK est Charlie. Mais quelle légitimité, me direz-vous, avons-nous à parler de complot? Aucun de nous n'est juif, franc-maçon ou illuminati. Il y a bien Zaza qui participe doucement mais sûrement au grand remplacement, mais ça ne mène pas bien loin. Pire encore, nous n'avons pas... Faudrait qu'ils se reproduisent pour ça. Quoi? Faudrait qu'ils se reproduisent pour ça. C'est vrai. Nous n'avons pas les compétences, j'ai perdu ma ligne, requises pour parler de complot. J'ai bien écouté Alain Soral, qui vous a tous mis en garde. Méfiez-vous de ceux qui ont fait des études. Corrompus par le système, sionistes sans le savoir, violeurs d'enfants par procuration. Oh. Violeurs d'enfants par procuration. Un par ricochet. Un simple master à la Sorbonne nous donne un grade Marc Dutroux dans l'échelle des FDP. Putain, or, classe. Vous savez aujourd'hui que les différents toi, membres... Toi, tu passes la Greg, cochon. Vous savez aujourd'hui que les différents membres de cette émission scandaleuse sont passés par la Sorbonne et par Sciences Po. On rappelle Georges politiquement. Heureusement, Stavro reste relativement vierge de tout ça, éternel étudiant fantôme. Et aujourd'hui, il travaille même dans un cybercafé, déjà un lieu complotiste par excellence, oui. Nommé le meilleur des mondes, comme par hasard, et dans lequel il y a un Zetan, figurine taille humaine d'extraterrestre de type Roswell. Mais bon, visiblement, l'AFK, par le CV même de ses membres, est incapable de parler de complot. Aveuglés que nous sommes par, je cite Soral, la communauté organisée qu'on ne peut pas nommer parce qu'elle est toute puissante. C'est une vraie citation. C'est qui? Ah, on ne peut pas nommer parce qu'elle est toute puissante. Donne-nous un indice visuel. Non. Je sais très bien ce que tu attends. Il semble alors qu'on fasse partie plutôt des épigones du gouvernement, lequel a osé lancer le site ontemanipule.fr. Sérieusement? Oh, ils ont avoué. Qui a choisi ce nom? Tout le monde sait que dans le générique de X-Files, il est écrit « Le gouvernement nous ment ». Et ce gouvernement ne trouve rien de mieux que de lancer le site ontemanipule.fr avec Kevin Rozi. C'est qui Kevin? Razi, Kevin Rozi. Vous savez pourtant qu'on ne peut pas être de ce côté-là. On ne peut pas être du côté de Kevin Razi. Sans doute que nous ne sommes pas assez Charlie. Alors, que nous reste-t-il? Sans doute la voie proposée par Dieudonné qui affirme « Peu importe, chacun croit ce qu'il veut ». En effet, peu importe tant qu'il peut vendre des tongs ananas et des assurances bidonnées. Après tout... c'est la dernière étape de l'apparence démocratique généralisée. Chacun vote ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut et croit ce qu'il veut. et tout part en couille. La vérité laisse place à la vraisemblance, et si tout le monde ment, autant croire à de grandes choses. Manipulez-nous mieux, chantait Didier Soral. Non, Didier Super. Putain, complot. Mais faites-nous rêver. Et c'est bien ce que propose Soral. Sans doute la même dose de manipulation que partout ailleurs, mais avec du grand spectacle. Des gentils, des méchants désignés par leur naissance, genre Empire Galactique du Mal. Un ennemi à abattre, un espoir de paradis perdu. À rabattre, un ennemi à rabattre. C'est un lapsus révélateur, monsieur. Un ennemi à rabattre, il a dit, hein. Voilà, bon, super. C'est possible. Donc, je ne sais plus, ouais, je parlais... Un ennemi arabe. Oui. Un espoir de paradis perdu, le rêve de Spartacus. 30 minutes de vidéo et on se voit déjà en héros sauvant le monde de l'oppression circoncise. Nous voilà comme Bioman contre le Dr Mad, dont J2 nous avait déjà révélé dans la FK2 les aspects sionistes. Moitié scrotum, moitié mégalo. Le plus valeureux des collabos, c'est Soral, héros de l'internet. Waouh, voilà. Bon, t'aurais pu le chanter. Ouais, mais. Moitié scrotum, moitié mégalo. Le plus valeureux des collabos, c'est Soral, héros des internets. Oui! Bravo. Voilà, hélas, à quoi nous a mené la démocratie populiste. Chacun croit ce qu'il veut. Les martiens, les reptiliens, Daesh, les Illuminati, Cyril Hanouna, la bourse, le grand soir, etc. Est-ce qu'on peut ne pas croire en Cyril Hanouna? Non. Non. Parce qu'il dit tout, hein. Nous aussi on dit tout les chéris, hein. Et on sent le mec qui regarde assidûment son émission. Mais il y a, je crois, une autre voie qui consiste simplement à tenter de ne pas être un connard. S'il semble naturel et plutôt sain de chercher à savoir... Moi, je t'annonce t'as perdu, hein. À savoir qui nous gouverne. Peut-on sérieusement comprendre les ficelles de l'économie mondiale avec une vidéo de 10 minutes proposée par un chauve qui visiblement est mal dans sa peau et qui a pour seul argument d'avoir lu beaucoup de livres. Et avoir baisé la femme de Faguillon. C'est vrai. N'oublie pas. Ne laissez pas à la FK le choix entre Raël et BFM TV. Nous tenterons d'être un savant mélange entre Mulder et Scully. Vive la République, vive le roi et vive la France. Bravo! Merci! Bravo, merci Scully! Bah c'était bien. C'était moi ça m'a plu. Voilà, ouais, j'espère merci. Que vous aussi. En plus on a chanté, c'était, aval, c'était, mais... c'était rigolo. T'entendais pas mon aval, t'entendais pas qu'on aval. Oui, non, je changeais. Ah oui, là oui. Ça allait partir en couille. Ouais, t'allais faire une blague sur l'aval. Peut-être. Sur les Bretons. Briquet, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer doucement mais sûrement parce qu'il serait peut-être temps quand même de s'y mettre, hein, petit pote. La théorie du complot, on va partir du coup. Ah, je l'ai déjà dit ça tout à l'heure, non? Oui, je pense que tu l'as dit à peu près 1000 fois. Bah alors on commence. Bah on commence alors, on allez, démarre. Parti, hein. Bah on y va. Présente, mec. Allez. Le plan global, la conspiration mondiale. Bienvenue là où l'info n'est pas donnée par le chétan. C'est squat, squat, nigga what, nigga what. Le cartel des banques ne contrôle pas mon rap. Illuminati 666, comme sur le billet d'un dollar, un 776. Leur technique, instaurer la confusion, centraliser le pouvoir, contrôler l'information. FBI, CIA, MI5, MI6, British et Quinry se piquent avec le même fixe. Bon, revoyons l'histoire et broyons vos cerveaux. De Hitler à Ben Laden, de Skull and Bones à Otto. Toutes les guerres sont voulues, toutes les guerres sont financées. Depuis Napoléon, les sociétés sont impliquées. Renseigne-toi sur ton troisième degré. C'est sérieux? C'est parti. Non mais là maintenant fallait pas mettre un jingle, je sais pas quoi. Mais on y va. Moi bon, je sais pas. On démarre. On se fait entendre un peu de podcast, laissez-nous tranquille si on sait plus comment ça marche. Alors on commence. On alors qu'est-ce qu'on commence? Comment qu'est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on commence? On va parler des plus grands des plus grandes œuvres de fiction qui ont présenté des complots. Alors lesquelles vous viennent en priorité en tête? Qu'on pense complot dans la pop culture, dans la fiction, dans les films, dans les séries, tout ça. Moi, je vais emmerder ça. Bah forcément, de toute façon, c'est ça. Et je vais dire que la plus grande série sur les complots, c'est X-Files. Bah ouais, 9 saisons de complots. Ouais. 10 maintenant, non? 10 maintenant. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a contre X-Files, ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh bah rien, ça m'intéresse pas, c'est tout. Donc j'ai une posture intelligente qui consiste à rejeter de base. Ce que je ne connais pas. C'est bien ça. Ouais. On sait qu'il heureusement que la France se comporte pas pareil avec moi. Mais, mais globalement, oui. Donc X-Files, c'est quand même la plus grande série sur les complots, à mon avis. Oui, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Eh bah justement, j'allais le lancer parce que... On y va. En gros... On se retrouve à suivre deux agents du sous-sol du FBI qui enquêtent sur les affaires non classées. Les mecs, ils sont déjà placés au sous-sol. Ouais. Super. Directement. Et Et alors c'est assez intéressant parce que on est dans le FBI, mais une sous-partie du FBI. Ouais. C'est en gros c'est la résistance interne du FBI. C'est le complot dans le complot. Exactement. Donc, parfois on comprend pas très bien comment ça marche parce que le mec on l'envoie enquêter puis après on lui dit non en fait fallait pas enquêter. Mais en fait ça. c'est un peu le placard du FBI quoi. C'est un peu les X-Files, c'est l'endroit où personne veut aller et où Mulder dit bah moi je lui vais grave, ça a l'air cool. Et c'est le seul con à être motivé. T'es en train de dire que Mulder était au placard dans le FBI. Exactement. C'est ça que tu... D'accord. Autant... Oui. Autant pour moi. Et donc en gros il lutte contre le FBI qui essaie de cacher des trucs. En général ils essaient de cacher des aliens. Et des monstres, ouais. Et souvent, ils se retrouvent. Comment ça, des monstres? C'est pas tous des aliens? Non. Non, ah, parfois, il y a le Sasquatch. Il y a plein de choses. Ouais, donc. Vous avez plus d'idées sur les dernières saisons, quoi. Non, c'est dès la saison 1. Il y a des trucs où ils se retrouvent à lutter aussi contre des complots un peu moins grands que celui du FBI. Des complots de police locale. Mais en fait, les X-Files, c'est divisé en épisodes mythologiques où ça parle du grand complot avec les aliens, la zone 51, cachée, tout ça. Et après, il y a des petits complots. Où il y a un monstre qui apparaît et du coup il se débrouille pour l'abattre et à la fin on voit les flics qui arrivent pour dire oh, en fait ça n'existe pas, il y a une fuite de gaz. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est systématiquement la fuite de gaz ? Non. Parce que 9 saisons c'est long quand même. Non, ils tournent pas que en Corse. Sponsorisé par GDF, c'est super triste. Et ouais, par exemple, dans l'épisode de la saison 1 sur le diable de New Jersey, c'est la police locale qui essaie d'empêcher la révélation de l'existence de ce diable. Pour ne pas niquer l'économie de la ville, quoi. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que on est du côté des comploteurs, parce que c'est des agents du FBI, mais qui eux-mêmes sont contre les plus gros comploteurs. En fait, il y a des comploteurs gentils, des comploteurs méchants dans X-Files. Ouais. Parce que Scully et Mulder, enfin Mulder, il veut connaître la vérité, mais pour lui, pas pour tout le monde. Oui, c'est ça, ouais. Parce que Mulder, il a des soucis avec sa sœur qui s'est fait enlever et tout. Voilà, et mais dit, souvent Mulder, même. Du Mulder où je fais un malin. Tu vois lutter en fait pendant tous les épisodes contre le grand complot du FBI. Mais à chaque fois qu'il est confronté genre à des journalistes, il refuse de répondre aux questions. Donc il fait quand même partie du complot. Et du coup, on voit direct dans X-Files qu'il y a les comploteurs gentils et les comploteurs méchants. Et c'est le cas dans beaucoup de séries. Par exemple, vous dites comploteur. Qu'est-ce que c'est un complot? Ah, tu veux définir le mot complot? Est-ce qu'on peut définir le mot complot? Moi, j'ai une définition Larousse, si tu veux. Ah, c'est vrai? Larousse? Bien sûr. Le mec a bossé. Bah attendez, on rigole pas ici. Un gros copier-coller. Alors, définition complot, entre parenthèses, Larousse. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, résolution concertée de commettre un attentat et matérialisée par un ou plusieurs actes, et par extension, projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. Ouais, mais pourquoi porté aux intérêts de la nation ? Atteinte aux intérêts de la nation. Je pense que c'est l'origine du mot à la base. À la base, le complot, enfin, quand on a parlé de complot, genre à Rome et tout, c'est toujours politique au début. C'était pour renverser l'empereur et ça, c'était un coup d'État. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'est démocratisé pour dire. Mais c'est assez marrant d'ailleurs qu'en France, on utilise le mot complot, alors qu'on devrait plutôt employer le mot conspiration. C'est quoi la différence entre un complot et une conspiration ? Parce que, alors, en général, si je ne me trompe pas, la conspiration est vraiment à une échelle. Voilà, de contrôler la population, manipuler toute la population. Le complot, en général, est attaché à une personne. On complote contre quelqu'un. Par exemple, dans les rêveries du promeneur solitaire... Ou contre un peuple. Bah, contre un peuple, j'aurais tendance à dire que c'est plus une conspiration, mais j'en sais pas. Oh, ah oui, mais après, on n'est pas non plus... Mais tu vois, par exemple, je disais, chez Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire, il commence son truc... Le mec, c'est vraiment C'est Alain Soral. Ouais. Parce qu'il dit, oui, moi, j'ai toujours aimé l'humanité, j'ai tout fait pour l'humanité, et puis toute l'humanité s'est liguée contre moi, du coup, je vais aller dans ma barque, et puis je vais faire le tour de mon île, et puis ce sera très bien. Et il y a l'idée que le complot, c'est juste contre lui. Qu'il y reste. C'est un souci psychologique. Ouais. C'est une sorte de paranoïa totale. Ouais. Hein. Mais qu'on retrouve chez les grands complotistes. Ils ont toujours... l'idée que c'est un peu les nouveaux Jésus, les mecs. Quoi. Ouais, clairement. Et Rousseau ne déroge pas à la règle parce que. Donc il dit oui, tout le monde a comploté contre moi, je vais aller sur ma barque. Et puis sur sa barque, il découvre que s'il se concentre assez bien, bah, il arrive à être Dieu. Mais c'est un magnifique. C'est une sorte de Super Saiyan, quoi. Ouais, c'est ça. En fait. Et toi, du coup, tu nous as mis sur la définition du complot, pourquoi ça? Bah parce que c'est bien de définir les choses. Ah mais t'avais aucune définition à apporter toi-même. Non bah il voulait juste savoir de quoi sur quoi on va porter l'émission aujourd'hui. Excusez-moi. Exactement. Non mais du coup X-Files, tu dirais que du coup c'est plutôt du complot ou de la conspiration? Est-ce que les mecs sont... En fait ça a pas trop de sens parce qu'en France on utilise le mot complot aujourd'hui, il a vraiment changé de sens. Et d'ailleurs dans la langue anglaise je pense qu'on parle plus de conspiracy. Donc c'est plus une conspiration. Ouais. complot, coup, ça paraît. Est-ce que dans X-Files, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que les mecs, à chaque fois, on les envoie en mission, ils se disent oh bah voilà, super, une mission, et après ils se rendent compte, oh en fait, on essaie de nous niquer, de nous cacher des trucs, ou est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, de plus. Bah, il y a les deux. En fait, c'est Mulder qui toujours veut aller voir les trucs bizarres parce qu'il se dit ça sent le complot là-bas. Du coup, lui, il va aller voir ce que c'est. Le mec, on lui laisse tous les financements du monde pour aller où il veut, mais une fois qu'il arrive sur place, on lui dit bon, en fait. En fait, il peut aller faire ce qu'il veut, sauf s'il trouve quelque chose. Ouais, c'est ça. S'il trouve un truc, par contre, là, t'as déconné. Fallait pas. Mais du coup, il y a une sorte de double truc, parce que la série est basée aussi sur une sorte de complot contre Mulder. Parce que Scully est envoyé pour surveiller Mulder. C'est vrai que la série commence comme ça. Ouais. On dit à Scully, il faut que tu surveilles ce mec-là, il est chelou. Il est chelou, il nous casse un peu les couilles, mais visiblement, on peut pas le virer parce qu'il a des copains qui sont bien placés. Donc, il y a un. Si on veut employer ces mots, il y a une conspiration générale pour cacher les aliens à la population et un complot contre Mulder pour l'empêcher de foutre la merde. D'accord. Mais tout ça, c'est manipulé par des connards dont on ignore l'existence. Dont notamment l'homme à la cigarette, qui est assez connu dans la mythologie d'X-Files, qui représente bien l'image du comploteur secret, etc. Ah, lui, c'est l'informateur. Non, l'homme à la cigarette, ouais. On le voit genre à la fin de la saison, on voit milieu de saison 1, on voit un mec qui parle pas, qui parle quasiment jamais, on le voit plusieurs fois, il a toujours une clope à la bouche, ouais. Et ça a l'air d'être un peu un des chefs du complot, quoi. Et c'est une des images de l'homme dans l'ombre qu'on connaît pas. Il y a la même chose dans Half-Life 2 et Half-Life 1 où il y a le G-Man. C'est un mec qu'on voit plusieurs fois dans le jeu, genre derrière des vitres, derrière des portes, avec une petite mallette, un costard, et il nous parle et tout. Et on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il veut, mais on sait que c'est à cause de lui que c'est la merde. Il complote, quoi. On sait qu'il complote. En général, on sait qu'il complote. Et le G-Man et l'homme à la cigarette, c'est à peu près la même chose, parce que c'est sorti à peu près en même temps. Je pense que Half-Life s'est inspiré d'X-Files. Et du coup, il y a vraiment l'image du mec, à limite, un inspecteur des impôts, quoi. Qui est là, tranquille, et c'est à cause de lui. Lui, il est bien sapé. T'es en train de dire que les impôts, c'est un complot. Et il sait ce qui se passe, tu vois. Et c'est l'image du comploteur assez intéressante. Est-ce qu'elle a été reprise beaucoup, cette image? Je sais pas, mais l'homme du gouvernement, en tout cas. Ouais. Et du coup, ça suffit à définir le complot, c'est-à-dire un mec, un groupement secret. En général, c'est une organisation. Œuvre dans un but qu'on connaît pas. Non, complot, faut qu'il y ait une organisation. Là, l'homme à la cigarette, par exemple, dans X-Files. Conspiration, il n'y a pas d'organisation ? Si, si, aussi. Mais merde. Dans les deux, il y a une organisation. Merde. C'est jamais un mec tout seul, sinon c'est juste un connard. Mais pourquoi on peut pas comploter tout seul. Bah non, non. Sinon, mais il fomente. Le mec a tout un mot. Oui, il faut distinguer la fomentation de la conspiration. Non, bah sinon, c'est juste un connard qui essaie de faire le mal. Le complot, il faut qu'il y ait une sorte de pacte contre quelqu'un d'autre, mais il faut un pacte. Il faut qu'il y ait une organisation. En général, c'est quand même une organisation avec une certaine puissance politique. Bah, c'est souvent un état, on peut le dire quand même. C'est souvent un état, pas nécessairement. Ça peut ou être une population. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ouais. Allez, c'est bon. Parce qu'il y a un film qui s'appelle Enemy of the State, Ennemi d'État en français. Tony Scott, 1998, donc le frère de Ridley Scott. Hein, c'est Tony Scott qui a fait Bad on Fire, qui a fait d'autres films comme ça. Bah, plutôt cool, c'est un bon réal. Et dans Ennemi d'État, avec Will Smith, avec Jack Black et avec Oz de Buffy. C'est des acteurs qui ont fait. Oh merde. Ça part en couille. Hein. C'est un film qui parle de la, NSA, de la surveillance de la NSA. Et qui peut du coup en un claquement de doigts écouter ton téléphone, comprendre, voir qui t'es, t'as des numéros de sécu et te tuer ou te faire porter le chapeau pour un meurtre, etc. Et ça parle vraiment de la toute puissance de l'État et qui du coup, en fait, le film commence sur un sénateur assassiné par un mec de la NSA et le meurtre est filmé. Du coup après s'ensuit une chasse à la cassette. Pour cacher la carte au trésor. pour cacher le meurtre. Et du coup, c'est encore une fois l'État en position dominante qui cache sur sa connerie et complote pour faire porter le chapeau à Will Smith, pour faire porter le chapeau à machin. Et c'est un peu comme X-Files, l'État qui tire toutes les cartes et qui complote. Et qui cache des choses parce que faut pas que ce soit révélé, quoi. Donc en général, c'est quand même une organisation qui a c'est beaucoup des puissants. De pouvoir. Ceux qui complotent, c'est des puissants. Ouais. C'est pas les faibles qui complotent. Qui cache quelque chose. Voilà. Le complot, c'est. Si vous n'avez toujours pas compris la différence entre complot et conspiration. Non mais parce que pas par SMS parce que ça c'est un peu portable. Ou hashtag cassette sur Twitter. Non mais j'ai expliqué que en gros en France on utilise maintenant le mot complot comme le mot conspiration, il y a plus trop de différence. Pour un beau complot, qu'est-ce qu'il faut? Pour un beau complot, il faut une pincée d'état très puissant, hein, ou alors des gens très puissants, un but caché 5 ou 10 minutes au four et bien sûr à la fin des intentions malveillantes. Hein, voilà. On complote pas. Est-ce que c'est forcément malveillant un complot? C'est des intérêts qui sont pas les nôtres. Ça, c'est des intérêts qui sont contraires à ceux de la personne qui est complotée. Si c'est pas les nôtres, c'est malveillant. Attendez. Non, pas nécessairement. Dans l'esprit d'Alain Soral. C'est pas nécessairement parce que c'est vrai qu'on voit alors beaucoup plus dans vraiment dans les Soral. Non, vraiment là dans les fictions, pas dans les mythes populaires du complot, mais par exemple, en un certain sens, Charmed ou Buffy, c'est des complots. Mais des complots gentils. Mais des complots mais gentils. Les blagues, c'est des complots gentils. Ouais, voilà. C'est vrai. Voilà, du coup, ils sont pour préserver la paix. En effet, dans l'univers. Ils cachent l'existence des extraterrestres. Ils font les petits zip-zip là pour. Moi, je dirais des flash-flash. Pas des flash-flash. Ouais, des zip-zip. Ouais, mais il faut zipper avant de flasher. Oh, on dirait vraiment une phrase de perverse. Il faut zipper avant de flasher. Zipper avant de flasher. Tu le descends ton zip. Achète une licence Winrar. Donc, bon. Ouais, bon, ouais. Donc en tout cas, ouais, c'est vrai que Men in Black c'est un complot pour protéger la population. Il y a encore Will Smith, hein. Il est beaucoup dans les films de complot, c'est vrai. Et bah, c'est pas un complot en soi. Mais il est scientologue lui, non? Quoi? Will Smith? Bah non, oui, il est grave scientologue, les gars. Non, ça suffit. Alors, non, si, vous irez voir sur l'internet. Will Smith, il est scientologue. Mais bien sûr, ils sont tous scientologues. Non, mais tu mens. Je te jure qu'il est scientologue. Comme Tom Cruise. Tom Cruise, est-ce qu'on peut être scientologue et franc-maçon? Je sais pas. Bah, je crois que les emplois du temps divergent. Je pense que oui. Parce que par exemple, du côté des francs-maçons, tu peux être catholique et franc-maçon. Par contre, les catholiques, ils ont dit non, arrêtez de déconner. Donc je pense que scientologue, ça pose pas de problème. Et francs-maçons et satanistes. Francs-maçons, oui, je pense que oui. D'accord. Bon, ça suffit maintenant, pas le conseil d'orientation là. Moi je veux être franc-maçon plus tard. Par contre, j'ai option sport. On aurait bien invité le Lochecast qui était un podcast. Un podcast de franc-maçon, ouais. En son temps, c'est vrai. Bon, donc on disait. Il y avait des complots vertueux, on disait. Avec Buffy, ouais, voilà. Charmed, Stargate. Est-ce que alors, c'est vertueux Stargate, c'est un peu tendu. Explique-nous, pour en quoi Stargate c'est le con. Là on est du côté des comploteurs. Là on est carrément du côté des comploteurs. Parce que. Pourquoi c'est un complot? Alors, en gros, l'histoire c'est qu'ils découvrent une porte pour aller partout dans l'univers. Mais c'est le gouvernement américain qui découvre cette porte. Et ils font tout pour le cacher, une à la population et aux autres gouvernements. Après il y a les Russes qui trouvent un truc. Donc il y a une alliance américano-russe. Et donc c'est un peu chiant d'ailleurs parce que on sait pas trop qui utilise la porte machin, mais ils font tout pour cacher. Et au bout d'un moment, je pense dans la série, ils se rendent compte que merde, ils sont en train de mettre en place un complot et que ils sont en train de légitimer le complot. Donc il y a des épisodes où ils se demandent si bon, peut-être il faudrait le révéler à la population et tout. Mais il y a plusieurs épisodes où il y a des gens qui d'une façon ou d'une autre découvrent l'existence de Stargate et ils sont présentés comme des fous furieux. Ouais. Et même les gens, les mecs genre O'Neill et tous les héros de Stargate. Aide à les faire passer pour des fous. Ils disent, monsieur, vous partez en couille, ça n'existe pas. Mais même, ça, ils sont. Quand toi, tu regardes la série, tu te dis, ouais, le mec, il est chelou, c'est un putain de complotiste et tout. Sauf que dans la série, il a vraiment raison. Parce qu'il dit, ouais, vous... en gros, c'est un mec qui a quelques informations. Il dit, ouais, vous utilisez une porte pour aller dans toute la galaxie et puis vous nous mettez en danger et tout. Et il est présenté, genre, c'est un mec avec une casquette et une banane qui passe son temps à prendre des photos cheloues de petites filles. Et tu vois, la série te dit, genre, lui, il est chelou, faut pas l'écouter. Mais. Bon, bah tout le monde sait qu'il a raison, donc du coup, on est obligé de lui faire fermer sa gueule. Parce que c'est un connard. Mais du coup, dans ce type d'œuvre où le complot est positif, et vu que ça émane quand même de la même industrie, contrôlée par certaines populations, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a. Le même gouvernement. Il y a un souci, ça, il y a un souci. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du coup des intentions de faire passer. Les comploteurs pour finalement des gens plutôt dans sympas. Dans X-Files, il y a la même chose. Il y a un groupe de trois mecs, donc j'ai oublié le nom, qui sont des complotistes et qu'on voit dans plusieurs épisodes, qui d'ailleurs en 99 ont prédit le 11 septembre dans la série. C'est l'histoire. Ils en parlent dans un épisode de X-Files. Bref, on s'en fout. Et ces mecs-là sont aussi présentés comme des fous qui sont à trois tout le temps dans un van, un peu comme le roman de Flaubert, les deux, c'est Perruchet, c'est ça. Bouvard et Pécuchet. Un peu, quoi. C'est un peu Bouvard et Pécuchet, mais au royaume des complots, quoi. Et ouais. Les trois, les Lone Ranger, un truc comme ça, ça s'appelle genre un nom genre stylé mais nul parce qu'ils sont nuls. Genre c'est comme si nous on s'appelait les rois du cosmos, quoi. Ça ferait un peu de chien. Bref, c'est ça l'idée. Et ils sont vraiment tournés en ridicule, alors que c'est pourtant on voit toute la série est un complot, nous montre des complots, mais ceux qui le cherchent vraiment sont présentés comme des débiles. Ouais. Du coup, on essaye de nous faire passer l'idée quand même, comme quoi le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées et qu'on essaye de les contrôler derrière, c'est vraiment pour notre bien. Ouais. C'est vraiment une idée, c'est un peu un agenda politique. Ouais, mais les deux séries sont du point de vue des comploteurs, encore une fois. Bah justement. Du point de vue des puissants. Mais il y a, par exemple, dans le film dont je parlais, Enemy of the State, Will Smith. C'est un peu le fantasme de tous les complotistes parce qu'il est persécuté par l'État et il arrive à s'en sortir, à trouver un pote comploteur qui va l'aider à incriminer l'État, et à la fin il finit blanchi de tout soupçon et il gagne parce qu'il fait annuler la loi qui allait permettre à l'État d'avoir en gros le Patriot Act, qui allait permettre à l'État de tout surveiller. Et du coup, à la fin, dans Enemy of the State, le complotiste gagne. Donc ça, c'est pas tout le temps. C'est pas un... Ça dépend d'où, de quel côté se place la série, en fait. Enfin, l'œuvre, en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que on a, les grandes œuvres se placent du côté des comploteurs et le présentent, comme disait Zaza, avec un aspect plutôt positif. Dans Stargate, c'est... Y a, je crois qu'il y a un épisode... Ouais, mais après, dans Stargate, il y a des sous-complots. Comme, par exemple, quand les Gould rentrent dans le gouvernement, infiltrent dans le gouvernement terrien, là, ils deviennent complotistes. Ouais. Et mais ils c'est ont des raison. Méchants. Ouais. Voilà. Donc il y a encore... Non, c'est pas vraiment... Oui, mais c'est... Bah si, parce que du coup, c'est des mecs externes au gouvernement terrien qui viennent pour foutre la merde. Donc finalement, il y a quand même l'idée que le gouvernement terrien, dans ses œuvres majeures, œuvre quand même pour notre bien dans l'ombre. Ouais, donc, oui, c'est ça. Enfin, c'est une série pro-américaine, de toute façon, Stargate. Enfin, vachement tournée sur l'armée. Ils ouais, mais je crois que même, il y a un épisode dans une sorte de réalité alternative où ils présentent à la population le projet Stargate et du coup, ça part en couille. Donc t'as quand même l'idée que... Bah en fait ils font bien de pas le dire parce que sinon ça part en couille. Men donc... in Black pareil, enfin le truc le plus connu Men in Black c'est le zapper pour faire pour effacer la mémoire. Ouais. Oui. Et tu zip et tu flash on a dit. C'est l'outil ultime de contrôle des masses pour éviter le complot. Et encore une fois c'est dans le film dans les trois films c'est toujours présenté comme quelque chose de bien et d'utile. Ouais. Et c'est une... bah du coup on peut si on étend un petit peu la notion de complot on peut étendre ça à Civil War qui va sortir bientôt. Sur les problématiques justement de sociétés un peu occultes, donc en l'occurrence ça serait les super-héros, et ouais. De savoir dans quelle mesure le fait que ça soit connu du grand public et contrôlé par le grand public c'est une bonne chose, ou finalement le fait qu'ils œuvrent dans l'ombre pour notre bien mais sans qu'on sache les méthodes qui sont employées, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe, est-ce que c'est une bonne chose? Enfin c'est vraiment au centre pour le coup du film et je pense ouais, que c'est la question c'est qui se pose ici. Est-ce que les super-héros peuvent être contrôlés et considérés comme des fonctionnaires pointés à 5h, etc. Et du coup... Donc c'est une idée assez constante finalement dans la fiction. Une idée assez constante que le complot, quand il est bien géré, il est utile. Ouais. Et ouais, bah t'as raison, peut-être que du coup on pourrait être un peu comploté, c'est-à-dire que c'est fait par des grandes comme maisons, des grands des puissants eux-mêmes. Tu veux pas dire le mot, hein. Mais non, bah, quel mot? Hollywood. Voilà, Hollywood, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça en plus. Bah, que, est-ce qu'il y a, tu penses, un versant. Un agenda politique. Ou idéologique derrière toutes ces grandes œuvres qui nous présentent les comploteurs comme des gens bien? Je pense que c'est une question légitime. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes complotistes ce soir? Clairement. Clairement, on se pose la question. Parce que même dans. On a... Ouais, en fait, c'est fou parce que j'avais même pas fait attention à ça en préparer, comme quoi on a vraiment bien préparé l'émission. Mais même dans Marvel, il y a le Shield, qui est une agence gouvernementale secrète. Bah oui. Et quand elle est révélée au monde, ça part en couille, ils vont dire oh là, c'est de la merde, ils ont fait n'importe quoi. Du coup, ils continuent dans l'ombre et ça se passe bien. Oui, c'est plus ou moins de ça que je parlais. Mais... Oui, c'est vrai, mais je voulais rajouter mon petit grain de sel, comme d'habitude. Rajoute. Un autre, mais en fait, on va peut-être. Dernier exemple, parce qu'après, on va se répéter. Mais Assassin's Creed, série de par le monde reconnue, il y a deux complots, enfin, il y a deux sociétés secrètes, Templiers et Assassins. On joue les Assassins, on dit oh, vous, c'est bien les Assassins, vous êtes sympas parce que vous sauvez le monde. Mais les Templiers font la même chose que vous, mais eux, ils sont pas sympas. Donc, il y a le complot gentil, le complot méchant. Et par contre, là, on revient dans la thématique classique parce que les assassins sont en moins grand nombre et n'ont pas autant de pouvoir que les Templiers. Templiers, c'est, dans le jeu, c'est Napoléon, Hitler, tous les grands mecs étaient Templiers. Et eux, ils veulent. Tous les grands mecs. Non, mais tous les. Napoléon tous... et Hitler. Nos modèles. Tous les mecs qui sont Mais Messrab, quoi, comme on dit. Bref, du coup, les puissants. Sont templiers et sont des conspirateurs méchants, mais c'est un peu la résistance presque. Parce que la résistance, ils avaient des méthodes de complot, de complotistes, ils se cachaient, ils œuvraient, mais dans l'ombre. Non, c'est-à-dire que la résistance, c'était un complot gentil. C'est-à-dire que la résistance, c'était un complot gentil, si on présente ça comme ça, en soi, dans une œuvre. C'était, tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, du coup, ça pose la question aussi intéressante de pardon, qu'est-ce qui est gentil et qu'est-ce qui est méchant par rapport au complot. Alors, ça, on va pas résoudre cette question maintenant. Mais en gros, c'est quand t'as l'intention de nuire à la population. Mais à une méchant. Population, à quelle population? Bah, en général, dans les œuvres. Là, on reste vraiment dans les œuvres. Ouais. Quand t'as l'intention de nuire. Là, on est surtout sur des trucs de gouvernement. De nuire à la population, c'est un peu méchant. Américaine, occidentale, voilà, finalement. C'est un peu méchant. Donc c'est quand même une population ciblée. Quand tu veux la protéger, bah là t'es gentil. Là t'as le droit de comploter. Bah disons, c'est binaire, c'est le principe même de la théorie du complot, c'est de rendre le monde binaire. Qu'il y ait des méchants et des gentils du coup. Il y a les gens qui complotent et il y a les gens qui essayent de démasquer le complot. Exactement. Et les gens qui démasquent le complot ont le droit de comploter pour démasquer le complot. Ah, c'est malin. Donc c'est la structure que nous offre de base, je vais dire, les plus grandes œuvres de fiction qu'on a sous la main. Moi j'ai une question. À votre avis, pourquoi, parce que le complot est quand même pas mal représenté dans les fictions, et pourquoi c'est intéressant d'un point de vue vraiment fictionnel et narratologique le complot. Pourquoi c'est vraiment un objet pour faire des films et des livres? Bah, déjà parce que on peut reprendre donc ce critère de binarité. Parce que du coup, c'est clivant déjà de base, donc ça crée un ennemi qui est difficile à identifier, donc qui crée un ressort scénaristique, parce que le but, ça va être quand même de démasquer à la fois l'ennemi et à la fois ses motivations, qui vont généralement être inclus dans le twist final, quoi. Je veux dire, dans les épisodes, j'imagine, de X-Files, c'est un peu... Bah, c'est ce qui se sent toute la série, de toute façon, découvrir c'est le ressort scénaristique. De toute ouais. la série, ouais. Donc c'est finalement, déjà, ça te crée une intrigue un peu déjà toute faite. Puisque... Bah, c'est ça, il y a des progressions, tu découvres ça, tu découvres ça, tu découvres que ça va de plus en plus loin, de plus en plus haut. Dans 24, pareil, il y avait beaucoup de complots, beaucoup de saisons basées sur le complot. Genre, les États-Unis ont été infiltrés par tel mec, on découvre en fait que c'est le vice-président qui travaille depuis le début avec les méchants, etc. T'as raison, ça permet des twists faciles, le ouais. complot. Parce que en fait, finalement, si tu dévoiles dès le début l'idée de ton complot. Finalement, je pensais à Quantum of Solace où du coup t'as les agents gouvernementaux qui sont, James train... Bond, ça. Ouais, qui sont en train de, enfin si je me souviens bien, de contrôler les réserves d'eau dans le désert, enfin, un truc comme ça. Enfin, en gros, le complot finalement il tient en une phrase, tu vois. Ouais, en fait il y a des mecs dans le gouvernement qui essayent de contrôler telle ressource parce que ils vont s'en servir pour faire tel truc. Et du coup, c'est facile avec la construction scénaristique autour du complot de dire bon bah voilà à 15 minutes il va découvrir que tel machin est impliqué et de remonter comme ça jusqu'au bout, donc ça c'est un peu une facilité scénaristique du coup. Et ça permet aussi pas mal d'enchevêtrement parce que par exemple il y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet de dévoilement et qui je pense est primordial pour la théorie du complot. C'est on a tous vécu ça je pense, c'est quand il y a plusieurs preuves ou indices disséminés et qu'on fait le lien entre tout. Et ça pour un film, même dire pour un jeu vidéo, c'est genre comme si tu résolvais une énigme. On te dit il y a ça, donc ça, finalement ça, c'est ça, assez jouissif d'enlever le voile. Il y a un lien entre tout, exactement. C'est ça que tu essaies de nous dire. Oui, c'est assez jouissif. On a aussi un agenda politique dans la FK. C'est un message à Lorient. À Lorient, les Bretons, bien sûr. Donc oui, c'est jouissif psychologiquement de faire le lien entre plein de trucs disparates et de dire attends, mais en fait. Disparate, ça fait beaucoup. C'est jouissif de dire attends, mais il y avait ça, et là j'ai fait le lien entre tout, et du coup, c'est, y a, rien que ça, c'est là on rentre dans des considérations un peu psychologie de comptoir. Mais c'est... Non, mais si, t'as un vrai plaisir, et notamment, je pense que c'est vraiment développé dans la littérature policière. Ouais, ouais. Où il y a souvent, par exemple, James Ellroy. Ouais, c'est ça. Qui est un grand auteur de polar américain. Ouais. Qui travaille beaucoup autour des complots, il a travaillé autour de il fait toujours des quatuors. Des quadrilogies. Quadrilogies, ouais. Des quatuors. Ouais, ça s'appelle quatuor, ces trucs. Ah, d'accord. Et des quadrilogies autour de trucs complotistes, et notamment, il a travaillé autour de JFK, je crois. Mm-hmm. Et je pense qu'il met vraiment en place petit à petit où tu suis la narration et tu fais avec la narration tes liens entre les trucs et tu finis par c'est une sorte de plaisir de faire un puzzle quoi. Ouais, donc on touche à quelque chose de fondamental finalement dans le complot quand on dit ça, parce que c'est le fait d'être du côté des complotistes finalement. Ouais. Ça te donne l'impression d'avoir un esprit critique et d'être du côté de ceux qui savent. Ouais, et, et tu te sens intelligent en fait. Ouais, quand tu t'as fait les liens, tu fais les liens entre les trucs qui normalement n'ont pas de lien. Ouais. Tu vois les liens derrière tous les phénomènes qui ça apparaissent. Ça fait penser à Jason Bourne aussi, du coup, oui. En termes de complot. Bah, tu peux développer un peu ? Non. Ok. Mais c'est une des mécaniques qui marche à fond dans le jeu vidéo, dans tous les jeux d'énigmes, en fait, simplement. Ouais. Où on te dit, là, il y a une clé violette, là, il y a une porte violette. Vas-tu faire le lien ? Oui, tu l'as fait, tu es un génie, la porte s'ouvre. Bravo. Woo ! Et c'est ça, en fait. Ça fait une série Zelda. Et le complot, c'est ça, mais à plus grande échelle et avec ouais. la réalité. Quoi. Et dans la littérature, un des grands maîtres en la matière, c'est Umberto Eco, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il a inventé la marque Eco Plus. Ouais. C'est super. Cette blague était vraiment nulle. Ouais, c'était compliqué. Qui dans tout. Umberto Eco. T'étais sûr de vouloir continuer l'humour ou tu t'arrêtes là? Qui c'est développe. Pas si vous voulez que c'est abrogué d'arrêter l'humour. Qui... Arrêtez, c'est un complot. Qui développe vraiment tous ses romans autour de grands complots. Je crois qu'il appelle des complots rétro-historiques. En gros, il reprend des événements historiques. Qui l'interprète comme des complots. Notamment son roman qui est le plus connu, qui a été adapté dans un très bon film, qui s'appelle Le Nom de la Rose. Oui. C'est un complot de. Le Nom de la Rose. Des Dominicains qui essaient d'empêcher la diffusion du livre d'Aristote, qui s'appellerait Le Rire, qui serait la deuxième partie de la poétique consacrée à la comédie. Et en gros, les Dominicains essaient d'empêcher cette diffusion parce que le rire est satanique. Et on suit Guillaume de Baskerville, qui est un moine franciscain qui tente de retrouver ce livre. Grâce à son chien. Le chien de Baskerville. Ouais, voilà. Le on mec est de la culture. On est présent. On est présent. Je pense qu'il y a une petite référence à Baskerville. Parce que c'est un enquêteur. Voilà. Et c'est un enquêteur qui essaie de faire des liens. Il arrive dans le couvent. Enfin, dans le cloître dominicain. Et il essaie de faire les liens. Et il finit par trouver le bouquin. Et trouver qui est derrière tous les meurtres chelous. Et en tant que lecteur, du coup, on se sent fort parce qu'on arrive à faire ces liens. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Sébastien. Est-ce que dans le SM aussi, il y a ce plaisir de faire des liens ou pas? Je ne comprends pas cette question. Le Shibari. Je ne sais pas ce qu'est le SM. Arrêtez. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Surtout que Stéphane a une mallette remplie de cordes, mais bon, on parle pas de ce soir. Cette histoire est connue. On nous ment. On nous ment. C'est parce que t'avais vraiment rien à dire ou comment ça se passe? Oui, ouais, c'est ça. Pour c'est parce que je parlais de littérature, c'était compliqué, ça fait mal à la tête. Ouais, c'est ça, Umberto Eco, je comprends pas tout ça. Ouais, d'accord. Non, mais voilà, on a cette structure où à chaque fois on fait des liens petit à petit. C'est vraiment la structure de base du polar où il y a une enquête et. Du polar, du joining, de tout en fait. Et c'est ce qui. Moi, c'est ce qui. Enfin, on y reviendra après, mais c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens veulent être complotistes. Ah, ça, c'est le troisième axe. Ouais, bon, super, c'est bah, super, tu y vois la structure, c'est un scandale. Ouais, bah oui, parce que tu l'as pas annoncé, connard. C'est vrai aussi. Est-ce que vous avez d'autres exemples notables de structure du complot dans les fictions? Ou est-ce qu'on a fait le tour chez Lovecraft, il y a un truc de complot. Parce qu'il y a les anciens et il y a surtout ceux qui essaient de faire revenir les anciens. Ah, ouais. Il y a une sorte de complot. Alors là, c'est juste une société secrète, c'est pas un grand gouvernement, mais. Qui essaie de faire revenir les anciens et du coup de foutre le gros bull dans l'univers. Je pense que Lovecraft fait partie vraiment des trucs un peu complotistes parce qu'il y a toujours des petites énigmes, tu essaies de comprendre le truc. Dans les complots, on l'a touché du doigt, mais il y a quand même une idée de pouvoir finalement. Il y a quand même une idée de groupe puissant, que ce soit pouvoir politique, que ce soit pouvoir économique, pouvoir sécuritaire, policier. Religieux, Da Vinci Code est un meilleur exemple à mon avis que Lovecraft. Finalement parce que c'est des groupes qui ont les moyens finalement de pouvoir comploter, c'est ce que tu disais, c'est la concertation, c'est la mise en place de moyens derrière. Bah, chez Lovecraft ils ont des moyens magiques ou mystiques quoi, mais bon c'est un peu autre chose, c'est un peu mais c'est pas un effet macro. Mais c'est vrai que on peut parler de Da Vinci Code rapidement. L'effet macro. Qu'est-ce que... Non, bah, c'est... bah oui c'est macro, oui. Oui bien sûr, oui c'est ça. Oui. rayon frais du Super U, l'effet macro. Non mais essaie de faire des bonnes blagues pour une fois. Non bah ça c'est jamais su. Donc ouais, Da Vinci Code qui est donc un roman de Dan Brown à la base qui a été adapté en film. Alors là où Dan Brown est un peu un connard, c'est que dans sa préface il essaie de dire que c'est vrai. Et que... Moi je l'ai vu au collège, j'y ai vraiment cru, Da Vinci Code. Ouais, ouais, dans la préface il dit oui c'est tout basé sur des documents réels et tout. T'es sérieux? Tout est absolument bidonné. Mais il ose dire ça? Il a pas eu des problèmes par rapport à ça? Bah on lui a dit écoute c'est faux. Il a dit, l'Opus Dei, c'est pas ça dans Da Vinci Code, c'est pas l'Opus Dei. Si, c'est l'Opus Dei qui essaie de cacher des choses autour de. Ils ont dû lui mettre un sale procès au cul, non? Non, ils ont entendu l'autre jour. Alors l'Opus Dei directement, non, c'est pas le genre. L'Opus Dei directement, ils essaient un peu fermer leur gueule, mais je crois que les représentants de l'Église ont porté un procès. Mais après, c'est une fiction, donc il fait ce qu'il veut, et puis il a le droit de dire dans sa préface que c'est vrai, même si c'est faux. Puis voilà. C'est un ressort de fiction. Et donc, il utilise une société secrète qui donc est l'Opus Dei. Qui a œuvré en France hein, quand même. On avait des ministres, ah ouais, on avait des ministres sous Chirac, ah ouais, de l'Opus Dei. Ouais. Qui? Et des. Alors, je ne sais plus les noms, mais il y avait au moins trois personnes dans le gouvernement Chirac qui étaient de l'Opus Dei. Putain. Alors l'Opus Dei, en gros, c'est un mouvement catholique qui essaie, officiellement du moins, de redonner la foi. Au peuple égaré. Et officieusement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Officieusement, j'en sais rien parce que je fais pas finalement partie de l'Opus Dei, hélas. Hélas, il a dit. Si vous nous entendez, bien sûr. Si l'Opus Dei m'entend, je donnerai mon numéro. Bah, il faut que l'emploi du temps soit compatible, Steve. Je pense que tu vas dans la chapelle à côté de chez toi anciennement, là. Oui, bon. On en parle pas? Non, on parle pas. Les séances de spirit d'exorcisme. Bon, voilà. C'est vrai qu'on avait. Merde. On a eu des side-by dans une église. On a voulu visiter une église, on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait un exorcisme. Sérieusement? Oui, c'est vrai. C'est génial. Du coup, putain, on a été rapide. Je suis impressionné. En fait, on a été efficace. Je suis pas du tout habitué. Ça me perturbe beaucoup. Je dirais pas qu'on a été efficace, mais non, on a été rapide. Ouais. Je sais pas, t'as d'autres grandes structures narratives de complot, Stavro? Pff, bah non. Oh, super, le mec a travaillé. Bah non, le mec a travaillé. Je regarde, mais non, j'en ai pas. Mais oh, attendez, on sait plus faire des missions, les gars. Ça non, fait tant, on n'est pas obligé de multiplier les exemples. Hein, non. On a déjà retiré des choses intéressantes. On a dit qu'il y avait une part d'occultisme, on a dit qu'il y avait une part de puissance, qu'il y avait un complot qui se dirigeait vers une population en particulier, mais qui pouvait être orienté vers le bien, finalement. Ouais, et je pense que surtout, il y a une structure en trois parties, avec des mecs qui complotent, une population qui est abusée par le complot. La récolte des fruits pour la complote. Ouais, et des mecs qui, eux, sont, on dirait aujourd'hui, complotistes, en gros, qui essaient de lutter contre le complot. Dans les œuvres de fiction, c'est toujours ça. Il y a toujours des mecs qui sont soit présentés comme des connards, alors qu'ils ont raison. C'est l'idée de David et Goliath, du coup. De David et Goliath, ouais, si tu veux. Non, ouais, mais ouais, si, c'est ça. C'est la chanson française, ça. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je n'ai pas changé d'adresse. C'est Goliath. Putain, on part sur des variantes sur David et Jonathan. Allez, on va prendre un petit shot. Hein. Hey, l'histoire de la Bible passe tarot. Bientôt, sur une collection Larousse. Bon, t'as tout niqué là. C'est plus... Bah ouais, ouais, voilà. On essayait de résumer de façon intelligente, de faire, mais pas besoin de résumer. Faire ton travail. On essayait de faire ton travail, tu en nous gros, as niqué. Il y a une société secrète assez puissante qui essaie d'enculer la population. La pas population forcément. Se fait quand même généralement enculer. Même si c'est pour son bien. Voilà. Parfois, la pseudo. C'est pas si mal. Ouais. Et il voilà. Y a des connards qui essaient de lutter contre le complot. Et en général, dans les films, ils ont raison, mais c'est quand même des connards. Mais même Mulder, en un certain sens, c'est un peu un connard. Il a raison, mais le mec, à chaque fois qu'il y a un truc chelou, il dit tout de suite: ah, bah c'est les extraterrestres. C'est vrai qu'on se mouille, bah, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a Scully pour tempérer derrière. Elle dit: bon, écoute, peut-être c'est pas un complot. Bon, en fait, si. Mais tu vois. Parfois non. Mais parfois non. Très bien, ma mère. Heureusement qu'on est là, bien sûr, pour analyser la pop culture. Hein. C'est important. Important pour tous qu'on ait cette expertise, cette plus-value, cette finesse d'analyse. Du coup. Macron. Vous allez vous. L'effet Macron, bien sûr. Dans tous les super-U. Du coup, on passe à quoi? Parce qu'on n'a pas de structure d'émission pour le moment. Eh bien, la structure se dévoile petit à petit parce qu'il faut essayer le lien entre chaque partie. Et du coup, on va passer à ce qui nous a rendu célèbres, à ce qui va encore plus, je pense, cette fois-ci, nous rendre célèbres. C'est bien sûr le quiz. Allez! Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. C'est parti. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz. The quiz. Alors, il a été écrit 10 minutes avant l'émission, il est très mauvais, vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. On commence, il y a trois parties. Première partie, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez très bien que Bush, le président bien nommé, en hébreu, se dit Magog, qui veut dire aussi le diable. Comme quoi, Bush est un Illuminati. Donc, on va dire que la première partie, c'est Bush ou Tupac. Tupac, qui n'est pas mort, bien sûr. Donc, on parle sûr de deux grands... Le mec, attends, t'as inventé un quiz et après, tu te dis, putain, il faut que je justifie ça. Et voilà. Voilà, Bush, d'accord. Diable en hébreu, Tupac vivant, deux grands complots. Bah, du coup, faut trouver des réponses. T'étais Bush obligé d'aller chercher l'hébreu pour Bush et complot, quoi. Oui. Le mec a assisté au 11 septembre et tout, il fallait chercher l'hébreu. C'est vrai, Bush. Weapons of Mass Destruction, hein, y a du complot chez Bush. Non, ah, c'est vrai. Bah, ça voilà, se tient. Et bah, mon coup, il est très cohérent, j'en suis content. Alors, de quel pays viennent tous les rappeurs? Bush ou Tupac dans la réponse, ça va être évidemment chez vous, vous pouvez jouer. Mais c'est nul. C'est nul, de quel pays viennent tous les rappeurs? Ouais. Bush ou Tupac? Si vous ne trouvez pas, il y a un point pour moi. Et on peut gagner le dernier morceau d'éclair qui reste. Être... Ah, en jeu, un morceau d'éclair au café. Ou alors on donne à Florian ce qui vient d'arriver. Qui a bien moisi dans mon sac. Non, à s'assurer. Bush ou Tupac. Vous ne savez pas? Non, bah non. C'est... Ils viennent tous les rappeurs du Tupakistan, évidemment. Alors voilà. Et ça, c'est la première. Oh, ça ne devient que meilleur, hein, vous inquiétez pas. Oh là là là là. Non mais sérieusement. Le tout Pakistan. C'est nul. Deuxième question, on ne s'arrête pas, on continue pour oublier cette blague. Ce que dit la mère d'Alexandre dans tous ses clients. C'est la boucherie. Vous ne savez toujours pas? Oh les gars. Non mais c'est quoi ces questions? Pas sur la bouche. Ouais. C'est nul. Non, on s'amuse bien. Heureusement s'amuse que ma mère nous écoute plus. Hein. Bah, après la première, ensuite elle a arrêté. Oui. Hein. Hey. Comment on appelle mon père les soirs où il rentre ivre à l'accro? Bien sûr, Tupac, Bush, on peut tout jouer chez nous. Hein. Tupac de gros. Un truc, presque. Pensez homme, pensez bière, pensez jeux vidéo. Tupac Man, bravo. C'est pas drôle. Un point pour Steven, évidemment. C'est vraiment nul. Bon, bah oui, c'est nul. Oui, comment on appelle la discipline présidentielle américaine? Un peu le code d'honneur de tous les présidents. C'est quoi cette question? Mais non, mais sérieusement, mec, tes quiz n'ont jamais été bons, mais là... Ouais, là, c'est compliqué. Il y a eu un complot. Hein, je sais même plus ce que c'est la question. Comment on appelle la discipline américaine de tous les présidents? Un peu le code d'honneur par lequel vivent tous les présidents. Le Bushido. Mais oui, le Bushido. Allez, bravo. Faut se mettre dans sa tête. Un je point pas, partout. Je veux pas y aller. Ah, moi, je veux y aller. Comment on appelle les testicules de Tupac? Le mec se fait rire tout seul. Juste parce qu'il a dit couille, globalement. Les testicules. Les Tupacage. Oh, les Tupac Shakur, non. Oh, Tupacage. Non, c'est pas ça. Un package. Ouais, c'est des pas couilles. Mal. Vous savez pas? Non. Les œufs de Tupac. En plus, c'est bientôt la saison. Les œufs de Tupac. Mais ce quiz. Les enfants sont souvent à la chasse aux œufs de Tupac. En fait, c'est un one man, c'est pas un quiz. Quoi, mais c'est scandaleux. En fait, là, j'ai pensé à une blague nulle. Est-ce que vous pouvez la retrouver? Bah oui, c'est ça. C'est un quiz. Bah, c'est toujours le principe du quiz. Ouais, hein, mais parfois il y a des indices. Et bien sûr, maintenant, quoi. On passe à la seconde partie. Hein, ah. Toujours sur le même principe. Illuminati ou franc-maçon? Dans la réponse. Je suis pas du tout motivé. Ils construisent des maisons sur TF1. Sur TF1? Ouais. Mais mec, personne regarde TF1 à part toi. Mais oui, Florian, un point pour le faire dans le public. Florian, les francs-maçons du cœur. Ah, bravo. Bravo. Vas-y, je rajoute Flo. Il faut regarder TF1 pour pouvoir suivre. Il est au même niveau que nous, c'est pathétique. Heureusement qu'il est là. Hein. Alors celle-ci, elle est très compliquée. La fête de la naissance d'Ariel Sharon. Le jour où on fête la naissance d'Ariel Sharon. L'illuminativité. Mais oui, l'illuminativité. Même pas le dire. L'illuminativité. Attends, c'est quoi déjà le jeu? C'est pas un j'ai jeu. Oublié Illuminati ou quoi? Ou franc-maçon. De toute façon, cette partie est bientôt finie. Hein. Ah. Non, mais attendez, elle est finie. Il y avait deux questions de mardi. Oui. Oh là là là. Il y a une question bonus que je vous ferai à la fin pour vous départager. Moment, les auditeurs vont voir que tu te fous de leur gueule. Alors là, je pense que ce soir c'est le grand soir. Hein. C'est le soir qui, où on révèle tout. Où le briquet, les gars? Dernière partie du quiz. Hein. Comme quoi, les bonnes choses ça passe vite. Hein. c'est noctilien, reptilien ou les deux? Pour répondre, hein, bien sûr, noctilien, reptilien ou les deux. Ça sent fort le vivarium. Les deux. Oui, les deux. Bien joué. Les noctiliens, putain, et les rapide. Reptiliens, ça sent fort le vivarium. Il y a combien de questions? L'ovarium. Vas-y. Il y en a 5. Ah ouais. Attends, merde, j'ai perdu mes notes. Attendez, ça va plus. Attendez, alors, oui, donc ce quiz, c'est quoi les scores, Steven? Alors, il y a 2 pour Zaza. Allez. 2 pour moi. Et 1 pour Flo. D'où t'as 2, toi? Bravo, j'ai Florian. Deux, je sais pas pourquoi. C'est un complot. Donc, on continue. Noctilien, reptilien ou les deux? Ils nous contrôlent. Les deux. Les reptiliens. Oh non, pas les deux. Noctilien nous contrôle. Bah, alors, explique-toi. Ah, explique-toi. Ah, bah, alors, quand tu veux rentrer de soirée et que ton noctilien est affiché avec 30 minutes, eh bah, là, t'es niqué. T'es contrôlé par le réseau noctilien de Paris. Tu ne peux pas rentrer chez toi librement. Et bah, c'est les hommes le derrière. Complot, c'est un putain de réseau, mec. Non, si, t'es contrôlé par. Alors, t'es... un demi-point pour Steven et un point pour Zaza. Voilà, parce que moi j'ai jamais été contrôlé dans un noctilien personnellement. Mais... Non, mais ta vie est contrôlée par le noctilien, mec. Tu te retrouves c'est à. Vrai. Tu souvent, te retrouves à Bourg-la-Reine. Non, mais. Pourquoi. Parce que je m'endors dans le noctilien, mais ça c'est une autre histoire, okay, on en parlera bah, pas. FK11, j'ai bien sûr. Bourg-la-Reine. J'ai 2,5. Ils avancent dans l'ombre. Bah, les deux. Les deux, bah oui. Les noctiliens, les reptiliens, les deux, ils avancent dans l'ombre. Ok, donc j'ai 3,5. Ils sont partout. Les deux. Non, oh, bah non, non, non, non, il y en a pas partout, mec. Il y en a que dans Paris, espèce de Parisien. Mais non, mais il y en a partout dans Paris. T'as Neuville-aux-Bois. Il y a des noctiliens. J'habite pas à Neuville-aux-Bois. T'as grandi là-bas. T'as déjà pris un noctilien. T'as déjà pris un bus après. Tu me fais des doigts en plus quand tu parles. T'as déjà pris un bus après 21h à Neuville-aux-Bois, même après 19h, après 16h. Non. Donc non, c'est pas partout. C'est un privilège. Noctilien, ça existe aussi à Neuville-aux-Bois. Non, c'est pas vrai, mec. C'est des charrettes, mais ça existe. Je suis désolé. On n'a jamais précisé que ça devait être des bus. Non, non, non. Donc j'ai un point. Oui. Mais d'où ? Moi j'ai dit reptilien. J'ai 4,5. Avant dernière question, quand on les voit arriver, il est déjà trop tard. Les deux. Un point pour Zaza. On a tous une histoire de nos clients qui arrivent trop tard et qu'on court du coup, on casse son téléphone. Donc peut-être c'est juste moi ça. Je vous raconterai un jour. Là, du coup, il y a combien ? Il y a 4,5 pour moi et 4 pour Zaza. Mais non, et mais sur le demi-point, c'est un scandale. Et alors bah, c'est simple, maintenant on fait le super banco. La question qui va toutes vous départager. Celui qui gagne celle-ci gagne tout le quiz. Même Florian peut jouer. Donc, ok, super. Donc tout le quiz qui était avant ne sert à rien. Non, mais ça, c'était pas une news. Mais vas-y. Très petite mais hargneuse, elle terrifie les populations en faisant de la magie sur petit écran. Mimati. Alors Clara a dit Tabit et je pense qu'on peut donner c'est la victoire. C'est Minimati mais c'est pas exactement Minimati. Mais attends, mais c'est quoi le rapport avec Noctilien? Illumimimati. Oui. Il y avait pas de rapport avec rien, c'était ah oui, de... ah, c'était le thème d'avant. Illumimimati. N'est pas le seum. Mais mec, tu peux pas faire des questions à thème en retard. Illumimimati. C'est là tu l'avais dans ton putain de quiz avant et tu te dis je vais la mettre à la fin parce que merde. Bah ouais, c'est une question bonus. Bah écoute, moi ça me va très bien. Non, bravo non, non. À ça, une victoire sans appel, hein, évidemment. Bah oui, sans appel. Appel. Victoire par contre putain. Avec appel. Il gagne quoi? N'est-ce pas ça? Il gagne quoi? Il a gagné un téléphone. Oh. Regarde, il est clair. Le morceau ah d'éclair. Ouais, bah super. Bah, celui, celui qui va me filer la chiasse. Allez. C'est quand même le quatrième que tu manges, hein, t'avais gagné avant le quiz quand même. Attends, j'avais oublié cette histoire d'éclair, je suis content d'avoir perdu. Je crois qu'en perdant, on a eu un éclair de génie. Allez, du coup. On continue, on passe. C'est vraiment difficilement. Un... Alors, est-ce que c'était le pire quiz qu'on ait jamais eu? Oui. De loin. Oui, de oui très, non, très loin. Ça n'avait aucun sens. Non, écoutez, les auditeurs seront seuls juges. Et s'ils veulent que je parte, non, j'aimerais bien que le prochain ne soit pas moi qui le fasse. Parce que je sais plus les faire, on l'a vu tous ensemble. Non, mais pour le, prochain, si c'est sur le survivalisme, tu nous fais une règle 34. Ah, bah bien sûr, la cuisine au foutre. La cuisine au foutre, évidemment. On en parlera plus tard. Alors on arrive dans, on a parlé du coup dans l'axe 1 des théories du complot sur grand écran et de leur structure en tant que dans un scénario ou alors juste de comment ils étaient présentés dans les œuvres de fiction. Et maintenant on va parler à s'intéresser à au plus grand complot qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, pour voir si il y a des points communs avec ce qu'on a vu avant et juste bah pour parler des complots, je sais pas simplement. Ah ouais, donc c'est vraiment la pire transition du monde. Non, tu savais absolument pas où tu allais. Quand tu as commencé. En gros, on va passer aux grands complots mythiques, quoi. Des sortes de légendes urbaines du complot. Ouais. Voilà, on passe des fictions du complot aux légendes urbaines du complot. Voilà. Voilà. Du coup, comment on va organiser ça? On va. En fait, l'intérêt. Attends, je voulais faire une introduction, mais j'ai totalement oublié parce que j'ai bu 3 verres entre temps. C'était pas l'introduction, ça? Bah, si, je crois que c'est ça. Il y avait en fait. Un truc en long. Il y avait un truc en plus qui était mieux, mais je l'ai plus. C'est facile ça. Ça aurait pu être mieux. Alors moi, je pense que on devrait partir déjà avec un exemple assez précis. Désolé, hein, bien sûr, chers auditeurs. Qui est un peu l'archétype du complot et qui a mis sur le devant de la scène toutes les théories complotistes, qui est le Watergate. Le Watergate. Alors, qu'est-ce que le Watergate? Pas comme Stargate, cher Nixon. Donc il y a la porte des étoiles et la porte de l'eau. Et ouais. Et la porte de Clignancourt. Et peut-être que Stargate est quelque part une référence cachée au Watergate. Ou à la porte de Clignancourt. T'as les dates du Watergate? C'est dans les années 70. Ouais, ça doit être 72 ou 74, je crois. 74, ça doit être les procès. Je pense que le scandale commence en 72. Donc en fait, ta question était un piège et là, t'es en train de me niquer. Non, c'est juste que j'étais en train de réfléchir en ce moment. Je voulais que vous disiez des conneries pour avoir l'air voilà, plus bon, intelligent après. En train de me niquer. Vas-y. Exactement. Oui. Donc, en gros, pour résumer très simplement, parce que l'histoire est assez compliquée. En 72, les bâtiments du parti démocrate... Construits par des francs-maçons. Construits par... C'est très certain. Oui, c'est le parti démocrate qui a été espionné... Bravo Sciences Po. Bravo voilà, Sciences Po. Oui. Par les républicains, donc par Nixon qui était au pouvoir à l'époque. Ouais. Et bon, bah, il s'est avéré que les cambrioleurs étaient armés essentiellement de caméras... Cambrioleurs. Les cambrioleurs qui ont cambriolé le bâtiment dont je parle. Le Parti démocrate. Tu réécouteras l'émission, tu comprendras après. Voilà. Et donc c'était des cambrioleurs assez chelous avec des caméras et des micros. Et il se trouve que c'était plus ou moins soit des agents du FBI, soit des anciens de la Maison Blanche. L'affaire a été étouffée et quelques années après, donc aux alentours de 74-75, des journalistes du Washington Post, je crois, ont déterré l'affaire avec un, l'aide de, du numéro 2 du FBI qui se faisait appeler Gorge Profonde. Ah! Sérieusement? Bah oui. Oui, bah oui, tu savais pas, Gorge, Gorge Profonde. Je viens d'avoir une information qui mérite la une. La mort de George n'était pas accidentelle, il s'est fait assassiner. Et on peut savoir comment tu sais ça? Ah bah c'est très simple, j'ai le tuyau par un dénommé Gorge Profonde. Ah bah merde, alors Gorge Profonde, mais c'est incroyable ça. C'est pas juste un film porno, Zaza. Ah, autant pour moi. Eh oui. Autant pour moi. C'est aussi le grand indicateur. D'ailleurs, le, je crois que le deuxième épisode j'avais de, pas qu'il s'appelait Gorge Profonde. De X-Files s'appelle Gorge Profonde parce que c'est là qu'on, dé, qu'on ouais. prend contact avec le mec qui va donner les informations à Mulder. Et donc, petit à petit, les journalistes vont publier des informations sur le Watergate, ce qui va mener à la démission de Nixon, qui est plongé dans un grand scandale d'écoute parce qu'on découvre qu'il il a commandité des écoutes un peu partout. C'est plus ou moins lié à la guerre du Vietnam. Bien éloigné cette époque. Cette quand époque on pense au, au WikiLeaks, si, ah, le fait, ouais. si le fait maintenant d'espionner entraînait directement une démission, ça serait rigolo. Bah, puis la NSA et tout ça. Ouais. Ah là là. Débarre. Je pense qu'il fallait partir de ça en, parce que. C'est un complot à la X-Files un petit peu. C'est un grand complot qu'implique le gouvernement américain. C'est un vrai complot déjà. Là. Voilà. C'est un vrai complot où on se rend compte d'un seul coup que, en effet, le gouvernement américain est pas si sympa qu'on le pensait. Ça, alors. C'est assez étonnant. Il y a le Vietnam quand même avant pour avoir. Oui, voilà. Est-ce que c'est vraiment une révélation le Watergate? Est-ce que tu peux le placer comme un point de départ? Parce qu'on est quand même dans un contexte de guerre froide. Surtout que 10 ans avant, il y a Kennedy qui est mort. Il y a eu des liens avec la mafia et tout. Il y a déjà eu beaucoup de théories du complot qui ont circulé sur Kennedy. Sauf que là, même il a le été... contexte général de la guerre froide est quand même basé sur des complots à échelle on locale. On se révolte, on n'est pas d'accord avec tes analyses. Non, mais je pense on que le dit. Là, c'est la première fois qu'on a des preuves concrètes et une vraie analyse portée par deux journalistes du Washington Post qui dévoilent un complot et qui mène quand même à la démission du gouvernement américain qui reconnaît directement son complot. Et je pense que dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, ça marque quand même une sorte de... Genre, les complotistes, c'est pas que des connards, ça peut être aussi des mecs qui dévoilent raison. Des affaires, et notamment, dans ce cas-là, les deux journalistes, cette histoire a été mise en, d'abord en bouquin et puis après en film avec les hommes du président. Je pense que ça a vraiment un gros gros impact et c'est pas un hasard si le deuxième épisode de X-Files s'appelle Gorge Profonde. Ouais. C'est que là on a vraiment une sorte de grosse preuve que le gouvernement américain complote et espionne sa population et les dissidents. Je sais pas, moi j'ai tendance à considérer que à cette époque c'est quand même relativement évident dans une mesure où on est dans une époque d'espionnage et de contre-espionnage. Mais le fait que ça se fasse sur le sol américain. Avant, il y a eu le McCarthyisme pour amener le complot, quoi. On avait les 50. Ouais, mais. Non, mais je parlais juste de reconnaissance sociale de, d'un seul coup. De l'establishment, en fait. C'est ouais, ça, c'est là ça. Que c'est différent. D'un seul ah coup, ouais, de on c'est est. Différent comme ça. C'est pas juste des soupçons et des suspicions de la part de trois connards qui disent oui, peut-être ils complotent et tout, tout le monde est plus ou moins au courant. Là, ça mène quand même à des je te dis, à une démission de Nixon. C'est pas... Oui, en même temps, dans plusieurs exemples dans le monde, ça mène à des changements de gouvernement parce que t'as les États-Unis qui financent des groupuscules derrière. Oui. Ouais, mais c'est pas reconnu comme complot. C'est pas une comment ça, c'est pas reconnu comme c'est complot. Pas une, c'est pas vécu directement comme un complot du gouvernement américain envers sa population. Pas envers sa population. Et c'est là que la différence ouais. se joue. C'est-à-dire que t'as le gouvernement, donc on est attaqué de l'intérieur. C'est là ouais, que les complots changent. Parce ouais, que finalement, que... les complots à l'échelle locale existent, mais là, on a une vraie conspiration. Ouais, mais parce que, parce que c'est l'ennemi à l'intérieur. C'est et ça. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout développé avant, d'ailleurs. Comme... Et bah, c'est le moment. Comme idée par rapport au complot. C'est l'ennemi intérieur. C'est le fait qu'il est parmi nous. On sait pas où il est, on sait juste que c'est pas nous, mais il est autour de nous, en fait. Mais parce qu'à la limite, tu vois, quand il complote ailleurs dans le monde. On s'en fout parce que bah, c'est limite de la politique étrangère. C'est pour amener à la démocratie. Ouais, c'est ça. Alors que là, quand c'est... Quand il tue des mecs en Amérique du Sud et tout ça, c'est pas pour défendre les intérêts de la démocratie, c'est juste pour défendre son cul. Ouais. Que... C'est pour le... En fait, on complote pour garder le pouvoir qu'on a déjà. Et ça, c'est un truc assez récurrent dans le thème du complot, c'est des puissants qui complotent pour garder le pouvoir et pour l'étendre. Oui, pour jouer du coup dans... La... Oui, c'est vrai que la différence du coup avec ce qui peut se passer à l'étranger à cette époque-là, c'est que c'est dans les intérêts contraires. Dans des intérêts contraires à ceux de la population américaine, donc à ceux du camp des gentils entre guillemets dans l'imaginaire collectif. Ouais. Et du coup, je pense que ça amène beaucoup plus de crédit à des complotistes, même pour Apollo, la mission Apollo 11, ouais. qui a été assez rapidement dénoncée par certains groupuscules comme un complot, comme quoi ça aurait pas existé. Bah directement, en fait. Directement. Sauf c'est que. C'est quoi ça? Racontez-nous, c'est quoi Apollo 11 tout bah, ça? C'est la théorie selon laquelle en fait les Américains ne se seraient jamais posés sur la Lune. Que Apollo mente. Ah, une bonne blague non. de Stavros sur ma droite. Merci. Non, en fait, le principe, ça serait que les Américains ne se seraient jamais posés sur la Lune, que du coup, les images, parce que ça a été retransmis à la télévision dans le monde entier, Kubrick, c'est ça ? Auraient été réalisées par Kubrick. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est surajouté, mais à la base, l'idée, ça serait que tout ça n'aurait été qu'une mascarade. Je croyais qu'il y avait trois Kubrick, c'était un Kubrick cube. Ouais, ouais, c'est je super crois que dur ça, de ouais. parler avec toi. Pardon. Super dur. Et de rigoler aussi. Finalement, quelle est ta plus-value à l'échelle macro ? Donc voilà, le 16 juillet 69, les Américains se sont posés sur la Lune. Voilà. Et il y a tout de suite eu des mecs pour dire non. C'est n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'avant, du coup, les Russes étaient largement en avance par rapport au programme spatial des États-Unis, ouais. Où ils avaient envoyé donc, le premier homme sur la Lune. Gagarine. Non, pas sur la Lune, en orbite, dans l'espace. En orbite. Gagarine. Et. Ouais. Et qu'ils avaient envoyé le premier satellite avant. D'ailleurs, il est en orbite comme dans du beurre, hein, Gagarine. le premier satellite. Une bonne blague à base de margarine. Et du coup, en fait, les théories s'appuient sur le fait que, du coup, ça serait un événement qui aurait été fake pour ruiner le gouvernement russe. Donc c'était un rapport avec l'establishment fake et son effet macro, c'est ça? Voilà. Comment tu fais défoncer ça, ça. Ouais, j'avoue, là, c'est sale. Il a vu que j'arrive à coup, dire, voilà, tu contribues rien du tout, mais du coup, tu nous niques. Je suis là pour amuser les gens. C'est, ah, c'est avant bien tout la blague. Ça, on l'a vu dans le quiz, c'est avant tout l'humour, lui. Avant tout les bonnes blagues. Hein. Donc, vas-y. Donc, du coup, le gouvernement russe aurait derrière engagé des dépenses folles pour rattraper, du coup, cet écart technologique et ça aurait été, du coup, une manipulation du gouvernement par rapport c'est, à la guerre. Ouais, ce serait une sorte de soft power où on essaie de montrer la suprématie américaine. Exactement. En faisant croire que nous on est allé sur la Lune alors qu'en fait c'est pas vrai, on était dans la zone 51 avec Kubrick qui filmait D'ailleurs il y a le film qui vient de sortir en ce moment en salle, ça s'appelle Moonwalkers. Oui, Moonwalkers. Avec Ron Perlman et Ron Weasley. Où en fait le pitch Oui c'est ça, Ron Perlman et Ron Weasley. Le pitch du coup c'est que la CIA essaye de mandater des agents pour trouver un réalisateur pour tourner les fausses images de l'alunissage en fait. Et je trouve que ce qui est vachement intéressant par rapport à ce complot, c'est que ça introduit une nouvelle parle dans ton micro s'il te plaît. Ça introduit une nouvelle idée par rapport à la théorie du complot, c'est le lien que ça entretient avec la technologie. Parce que ce qui est vachement intéressant en fait dans les complotistes par rapport à l'alunissage, c'est que les mecs se basent sur 2000 ans de l'espace déjà. Parce qu'en fait, moi je t'ai coupé carrément pour dire n'importe quoi. Juste pour dire que le fait qu'on dise Kubrick l'a réalisé, c'est parce que les gens ont été impressionnés déjà par les effets spéciaux de 2000 ans de l'espace deux ans avant. Ils ont dit si le mec fait ça au cinéma, il peut très bien faire ça dans une vidéo pour la NASA. Effectivement. Non, mais c'était une introduction, une interruption plutôt qui est pertinente. Parce que du coup, une fois. Du coup, c'est. Ce qui est intéressant dans la théorie du complot, c'est le doute. Et le doute, il est permis par des moyens technologiques qui finalement sont assez proches de ce que tu peux produire en fiction et sont en tout cas qui sont suffisamment mauvais entre guillemets qui vont permettre le doute. Parce que c'est une théorie qui a reconnu du coup qui est revenu sur le devant de la scène en fait en 2009 parce qu'il y a eu des images qui ont été photographiées de la Lune où il y avait le fameux site de l'alunissage avec des images mais complètement pétées en fait. Et du coup tu voyais absolument rien, tu voyais un vieux point à la con sur la Lune et les gens disaient non mais c'est un scandale que vous puissiez avoir des images super fiables de Mars et que derrière sur la Lune t'as un vieux pixel complètement flou et qu'on dise ouais voilà ça c'est la preuve qu'on s'est posé sur la Lune. Donc finalement les défauts de la technologie permettent d'entretenir du coup ce mythe. Du coup est-ce qu'on s'est posé sur ta Lune ou pas à ça? Ah je sais pas quoi dire. On n'a pas d'image précise. Moi j'ai un... Je crois qu'il y a une BD, on a marché sur ma lune qui s'appelle. C'est le nom de la sextape de Zaza. Ouais. Mais il disait des trucs intéressants, c'est dommage. Non, mais oui, la technologie joue un rôle important dans le complot. Zaza, c'est ce qu'il voulait nous dire avec l'alunissage. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce qu'à chaque image qu'on voit, par exemple, je sais pas, de. Merci. Pardon, de Charlie avec les rétroviseurs et tout, on se dit oh non, là ça a été photoshopé. Ouais, et du coup, vrai. cette tendance au doute technologique a commencé avec l'alunissage. C'est ce que disait Zaza avant que je l'interrompe. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est le rapport à l'image. Parce que pour les images du 16 juillet, on dit ouais, les images ont été truquées. Et dès que le gouvernement ou la NASA sont pas foutus de donner des images assez précises, on dit ouais, il n'y a pas d'image. Donc c'est truqué. Ouais. En fait, qu'il y ait des images ou pas, bon bah de toute façon c'est niqué quoi. Quand il y a des images, on dit oui, bah c'est Kubrick, et quand il y en a pas, c'est normal, il y en a pas. Ouais, et même quand elles sont de bonne qualité, finalement c'est photoshopé. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, donc, là, on va rentrer dans le grand point fort des théories du complot, c'est que si on les démonte, ils ont quand même raison. Mais ça, ouais, je pense que c'est plus le troisième axe. Ouais, mais ça, ça commence à en faire partie. Oui. Mais ouais, par rapport aux biais technologiques, on pourrait rapprocher ça aussi de ce que vous disiez, parce que j'étais pas là, sur les cryptides. Et du coup, c'est intéressant par rapport à l'occultisme, du coup, qui est entretenu par ces, ces images floues. Finalement, t'as pas un mec qui a un genre bon appareil photo Yeti, qui a photographié quoi. Le Yeti. Tu ouais, vois c'est genre, c'est forcément un connard on avec rappelle un appareil la, photo la jetable qui a Parkinson, tu vois. On rappelle la théorie de Whoopi, le Yeti a deux dos. Et c'est et pour oui. ça qu'il est toujours de dos. Il est toujours de dos. C'est une autre théorie. Explication. Mais c'est du coup, ça marche moins pour les théories du complot. C'est peut-être que la Lune est pixelisée. Voilà. Peut-être. C'est vrai que c'est une théorie. La Lune est un sexe japonais. Mais ce qui est marrant, c'est que. Ce qui est marrant, c'est que ça a introduit vraiment toute la. Ce Apollo 11, ça a introduit aussi de, beaucoup de trucs de la mythologie du complot avec la zone 51. Parce que la zone 51, en fait, personne. C'est là où on fait le pastis. C'est ça. Personne ne sait exactement ce que c'est que la zone 51, mais c'est toujours prétexte à tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que la zone 51? Alors, la zone 51, c'est Roswell. Ce serait un en... non, ce serait un endroit dans Nevada. Dans le Nevada où le désert. Alors où ont été tournées les images d'Apollo 11, premièrement, où sont entreposés des morceaux de vaisseau spatial extraterrestre, et où on aurait fait la première autopsie de. Enfin, l'autopsie du. Et il y a eu des. Il y a eu une célèbre, vidéo de cette pseudo-autopsie, une vidéo fausse depuis. Ouais, qui a été vraiment démontrée pour le coup comme fausse. Mmh. Mais dans les années 80, c'est une vidéo très connue, vous avez peut-être déjà vu sans faire attention, mais où on voit un espèce de corps tout chelou se faire autopsier. Et c'est là qu'on a eu vraiment l'image du petit homme gris, quoi. Ouais, dans les années 80, cette vidéo a beaucoup tourné et a vraiment alimenté de fou toutes les théories du complot. Et je crois, en fait, même si. Et Chris Carter, le mec de X-Files a dit que ça transpirait clairement de ça, en fait. Ouais, mais c'est vrai que même si on n'a pas vu ces images-là, on a tous cette image du. C'est assez rigolo que le martien qui, a priori, n'existe pas, on a tous la même image du Zetan du cybercafé, ouais. Du. Comment il s'appelle c'est les... De Paul dans le film. Des mecs de Mars Attacks en gris. Voilà, Mars Attacks, ou même dans Stargate, on a ça. Avec les Asgard. C'est intéressant parce que ce qui a alimenté aussi la zone 51, c'est les clichés du coup de soucoupes volantes. Qui était censé passer dans cette zone-là. Ouais. Et en fait, finalement, il s'est avéré que c'était des prototypes américains, de l'aviation américaine, qui étaient super chelous, qui ressemblaient vachement à l'image qu'on se faisait des scoops volants. Enfin, du coup, où est l'Apollo, où est l'œuf, voilà. Et du coup, c'était des modèles qui ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait à l'époque par rapport à l'aviation, et on en a déduit que c'était des scoops volantes, mais en fait, c'était juste des tests de prototypes américains. Quoi. Ouais. Et à partir du moment où t'avais des photos floues, de choses que tu ne connaissais pas, tu considérais forcément que c'était quelque chose qu'on essayait de te cacher. Ce qui est vrai en soi. La fois que t'as vu un sexe, c'était pareil. Quoi? Pourquoi tu parles de bite là dans un magazine de la Redoute? Une fois j'ai vu une bite floue, je fais attendez, on m'a caché ça toute ma vie, qu'est-ce que c'est tout ça. Bref, t'avais jamais vu ta bite? Bah non, je suis gros. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que la zone 51, bon, visiblement il se passe des trucs chelous, mais personne ne sait ce que c'est, donc on projette tout sort de fantasmes, les extraterrestres, l'alunissage, etc. Quoi. Donc finalement, ce qu'a essayé d'introduire Jordan et ce qui est le plus important, c'est que par ce biais technologique, du coup, ce qui est important, c'est que plus tu essayes de démonter la théorie du complot en tant que construction intellectuelle, ouais, plus elle a de sens. Ouais, parce qu'on essaye de te cacher le complot, parce qu'on essaye de te montrer que t'as tort, et donc c'est qu'il y a quelque chose à cacher, finalement. On ne peut pas perdre quand on croit au complot, et ça, c'est génial. C'est une sorte d'antilogique, en fait. Plus tu essayes de prouver ces fondations, moins ça a de sens. Mais, en fait. Mais ça, on y reviendra plus profondément dans l'axe 3. Allons-y profondément. Ce qui est intéressant, je pense, notamment dans la mission Apollo 11, la Lune. C'est ce rapport à l'image qu'on a eu exactement de la même manière. Amine-moi dessus. Pour. T'es fatigant. Prends ton drapeau. Ça me perturbe un petit peu. Ça rentre comme dans Gagarine. Non, on a eu exactement la même chose pour le 11 septembre. Les images des deux tours, elles étaient. Sur hors tank. Et Barakdour. Non, par contre, arrête les blagues. vraiment, non, mais c'est un conseil pour toi, pour ta vie en général. Arrête l'humour. Je sais pas, fais autre chose. Moi, je n'ai pas l'humour, hein, c'est lui qui m'aime. Bref, oui, continue, je suis gênant là. Ouais. Au moins, il s'en rend compte. Je suis gênant pour tout le monde. Donc, ouais, le 11 septembre, les images qu'on a vues des deux tours. Les blagues sont floues. Les images qu'on a vues des deux tours ont été démontées comme n'étant pas possibles. Et les non-images du Patagone. Ont été démontés comme il n'y a pas d'image, donc du coup C'est chelou. Étrange, ouais. À chaque fois, mais voilà, c'est ça, c'est à chaque fois il gagne. C'est comme c'est dit Bigard, parce que Bigard a fait une série de vidéos sur le 11 septembre. Il a fait, je crois, 11 vidéos. Alors, du coup, juste pour replacer le contexte, le principe du complot du 11 septembre, c'est qu'il aurait été planifié par le gouvernement américain. Bah, en fait, le problème, c'est que le complot du 11 septembre, il y a énormément de théories du complot. Ouais, mais la théorie, enfin, j'ai regardé du coup un petit peu, la théorie principale, ça serait quand même que ça a été planifié par le gouvernement américain pour justifier l'invasion de l'Irak derrière et de récupérer le pétrole qui s'y trouve. C'est quand même la théorie principale. En fait, il y a eu la même chose 50 ans avant avec la Shoah, où il y a beaucoup de théories du complot. Bah, dis donc. Il y a beaucoup de théories du complot qui disent que ça a été financé par les Américains, par Rockefeller, par la famille Rockefeller. Ouais, les Rockefeller. Filer de la thune aux nazis pour faire les camps de concentration, pour ensuite justifier l'attribution d'Israël et le pouvoir des juifs entre guillemets. Bah, c'est les théories du complot, c'est pas moi qui le dis. Du coup là on s'éloigne un peu par rapport à l'axe technologique de c'est juste la même chose. Le 11 septembre c'est un peu la Shoah version 2, quoi. C'est ça a été fait par une grande puissance, une grande puissance se blesse elle-même pour après justifier on sacrifie une partie de la population pour le bien de l'ensemble. Voilà. Et donc c'est vraiment pour le coup une des théories du complot qui est le plus entrée dans la pop culture en tant que telle. Enfin, je veux dire une théorie du complot réelle qui est pas basée sur la théorie du complot. Ouais, je pense. Enfin, pour notre génération, c'est la première fois qu'on entendait parler de théorie du complot. En fait, effectivement. Et du coup, ça s'est même transformé en fameux mème, le fameux Jet Fuels Can't Melt Steel Beams. Alors, on n'a pas compris. Personne n'a compris autour de la table. Ça, jet fuel can't melt steel beams. Donc le carburant d'avion ne peut pas faire fondre des trucs en acier. Exactement. Donc voilà. Du coup, ça s'appliquait au fait que on considérait que les dommages qui avaient été faits autour du Twin Towers, du coup. Ton jumelle. C'est un monument américain, tu vas pas me casser les couilles. Donc, le mec est traducteur, il cherche un boulot. Il cherche sa place. Mais du coup, vu que je suis pas drôle, c'est de traduire quoi. Du coup, les dommages qui avaient été faits autour jumelles n'étaient pas cohérents avec ce qui aurait pu se passer lors du crash. Aussi surtout sur le Pentagone où il y a aucun débris d'avion. Parce que donc au Pentagone on a aucune image et il y a aucun débris d'avion, donc. Le rapport d'expertise qui a été fait, c'est que le carburant a détruit l'intégralité de l'avion. Ouais. Et du coup, il n'y a pas d'avion pour ça. Voilà. Effectivement. Donc, c'est devenu un mème du coup assez récurrent pour justement se foutre un peu de la gueule des complotistes en général. Mais ça montre à quel point du coup c'est rentré dans la pop culture, parce que c'est du coup un truc qui est référencé dans énormément de séries. Je pense à les Simpsons, Futurama. Deux séries du même mec. South Park, très certainement. South Park, si je ne m'abuse. Enfin, c'est vraiment devenu quelque chose qui est rentré à part entière dans la pop culture. Ouais, et c'est l'idée que soit on a des images et du coup on va analyser les images. Aujourd'hui, si on regarde, il y a énormément de vidéos, notamment sur YouTube, qui essaient d'analyser les images du 11 septembre et qui essaient de démonter avec des théories qui sont encore plus farfelues en fait que ce qu'elles essaient de démonter. Par exemple, que l'effondrement des tours n'était pas possible sans une planification et sans des explosions à l'intérieur des tours. Ouais, c'est ça. Sauf que donc en effet, quand tu regardes, mais l'explosion de la tour d'Hortank, on en parle ou pas? Tu te dis ouais, ça paraît logique. Parce que les Zents étaient de l'intérieur. Ça paraît logique que l'explosion soit contrôlée parce que en effet, ça tombe tout droit et tout, c'est pas normal. Sauf que pour contrôler une explosion comme ça, il faudrait des moyens absolument insurmontables. Des moyens comme ceux de l'État américain, vous voulez dire? Par exemple. C'est ça que vous dites, monsieur Pesty. J'en sais rien, je pose des questions, c'est troublant, non? c'est bien le concept. On en aura peut-être après, mais c'est un autre. C'est dans toutes les vidéos du complot de YouTube, il y a trois. Alors, pour faire une bonne vidéo du complot, qu'est-ce qu'il faut? La musique de Requiem for a Dream. Ouais, c'est vrai qu'il faut cette toujours. Il faut ensuite des images, par exemple des logos. Hier j'ai vu le logo d'Intermarché. Le mec, tu vois, il s'arrête. Genre il parle d'Intermarché, d'un seul coup ça devient sérieux. Hier j'ai vu le logo d'Intermarché. Donc on des aventures. Stavro est une aventure. Le mec a isolé, a fait un zoom. Vous avez vu là? Il y a un triangle. à moi on l'a fait pas. Du coup, on dérive beaucoup trop parce qu'on arrive sur un autre point duquel on n'a pas du tout parlé. Non, on va arriver, je dis pas, c'est un secret. Moi, je balance des trucs. Je dis juste, voilà, donc, pour une bonne vidéo du complot, Requiem for a Dream, des logos sur lesquels on fait, ou alors des billets de dollars qu'on plie. Des symboles. À la fin, ça fait un symbole Illuminati, on parlera après. Et à la fin, on écrit trois petits points, troublants, non? Ouais, c'est vrai que le troublant, non? Et c'est tout. Et là, du coup, le complot est là, quoi. Et du coup, avec le 11 septembre, on a eu la ribambelle, on peut le dire, la ribambelle des vidéos de genre. La ribambile. Comment on peut le dire, d'expertise pseudo, ouais, d'analyse, c'est nul comme critère. Parce que du coup, un mec qui ferait un striptease avec un string en forme de triangle sur la sur la musique de Requiem for a Dream et on mettrait Troublant, non, à la fin. Ça serait une théorie du complot. Je veux te voir dans cette vidéo. Ça serait une théorie du complot. Mais attends, c'est nul comme critère. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ce serait, comme on l'a dit dans la première partie, l'amour du dévoilement. En même temps, mec, ce serait peut-être la seule explication d'une vidéo comme ça, quoi. Peut-être. Ça ne peut être qu'un complot. Mais c'est troublant. T'imagines vraiment un striptease en string de... Ah oui. Ah, moi je le vois déjà. Les tours jumelles. Du coup, j'ai lâché. C'est vrai que du coup, on a vraiment cette surinterprétation des images qu'on a. Donc c'est valable pour le 11 septembre. C'est valable pour JFK, l'assassinat de JFK. Il y a, je vous conseille l'apéro du capitaine, je sais plus combien, où il y a un débat de 1h30. Alors il y en a juste 200. Il y a 200, au moins 230 épisodes. Ils appellent JFK quelque chose. Ouais. Un débat insurmontable. Bah c'est, oui, voilà, de 1h30 entre Quacos et Yeti, un invité, où ils s'engueulent pour dire dans le film de Zabrocker. Ça, le mec a filmé l'assassinat. On entend 5 coups de feu alors qu'il n'y en a que 3, etc. C'est insupportable. Et du coup, moi j'ai écouté un podcast de France Culture. Pourquoi tu nous le conseilles si c'est insupportable? Bah parce que c'est vraiment la théorie du complot au plus fort, quoi. C'est, on se base sur des rapports d'analyse, sur les témoignages, ensuite sur la vidéo, etc. C'est jamais une connaissance directe. C'est toujours quelqu'un m'a dit que, ou alors j'ai vu et du t'es coup j'ai déduit. T'es pas en train de critiquer ton employeur là? C'est pas lui qui l'a dit. Lui était très bon dans ce débat, je trouve. France Inter, Pessy, Steven. Ça sera bipé au montage. Je sais plus. France Inter, un podcast. Non, un podcast de France Culture où il y avait un mec qui disait que France Intermarché, tout est lié. Pour les gens qui travaillaient aujourd'hui en histoire sur l'assassinat de JFK, c'était vraiment un casse-tête absolu parce que on n'a plus de preuves matérielles. C'était toujours un casse-tête pour JFK. Hein. Excellent. Parce qu'il est mort du bas dans la tête. Allez, c'est bon. Et parce qu'en fait, on n'a plus de preuves matérielles et tout leur travail, c'est de travailler sur les témoignages et sur la surcouche de théories qui se mettent sur les témoignages et toutes les interprétations. Et que en gros, il disait que c'est impossible aujourd'hui dans une vie de lire toutes les théories et tous les témoignages sur l'assassinat de JFK. Ce qui fait que en gros l'histoire officielle, si on n'a pas par exemple un rapport de la CIA qui dirait oui bah c'est nous parce qu'on a un peu déconné, bah il y a eu la commission Marraine après ceci dit. Mais bon. Ouais. C'était le gouvernement qui enquêtait sur ça. Ouais, mais du coup les enquêtes même du gouvernement sont rendues hyper complexes parce que il y a pas de preuves matérielles et surtout il y a une surcouche de théories qui fait qu'on doit prendre en compte la majorité des théories. On sait pas sur qui se fonder parce que après c'est que des témoignages ou des interprétations. Il faut savoir qui est le plus crédible et c'est assez bidonné, ouais, quoi. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est finalement dans la théorie du complot, c'est la crédibilité des sources. Parce ouais, que finalement ça. dans les tu remarques que dans les théories qui marchent le mieux, t'as toujours une source relativement crédible qui va appuyer le truc, ouais. Qui va permettre de lui donner un ancrage dans la société. Tu vois par exemple pour le programme spatial américain, c'est Bill Clinton qui a dit qu'il avait parlé avec un des mecs qui avait fait partie du programme. Le ah mec, ouais. bon, c'est probablement un mec qui avait grave le seum parce que c'est le troisième astronaute qui lui est pas allé sur la Lune et resté comme un connard dans la station Columbia. Le remplaçant. Voilà. Donc lui il puait le seum et il a dit ouais, non, mais ils sont même pas allés sur la Lune, c'est même pas possible, de toute façon c'est de la ils merde. Ils ont juste pissé par la fenêtre. Voilà. Non, mais du coup, Bill Clinton relatait dans ses mémoires l'expérience de ce mec-là en disant que effectivement troublant, non. Trois petits points. On peut faire le parallèle par exemple avec Michael Moore qui expliquait les liens dans son Fahrenheit 9/11 entre la famille Bush et les Ben Laden. Et du coup, tu vois, c'est des sources qui ont quand même une certaine crédibilité parce qu'elles font partie de l'establishment auprès du grand public qui appuie plus ou moins ces théories. Et derrière, ça permet un ancrage assez fort. Et même quand on arrive à les... En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a jamais de lien direct. En fait, on pourra toujours tracer des lignes, mais elles se rejoindront jamais. On pourra dire, vous avez vu, Bush, il est pote avec le mec. Mais on ne pourra jamais avoir un lien plus fort que ça. Du coup, c'est, encore une fois, c'est toi qui dois faire le dernier lien, qu'on disait tout à l'heure, le dévoilement. Ouais. On va se dire, Bush, il est pote avec lui, et lui, il a fait ça. Et du coup, bah, c'est clair que du coup, ils sont en bisbille, quoi. Ouais, mais c'est ça qui fait que ça marche. Parce que du coup, oui. T'as l'impression d'être un mec intelligent. Parce que c'est toi qui fais le dernier pas. Et donc, pour revenir dans l'axe, ce qui est assez marrant. Steven a un côté. Un côté nazi. Axe, hein, toujours oui, revenir voilà, dans l'axe. Ouais. Ah, bravo. J'essaie de conduire une émission que Stavro ne conduit pas. c'est que dans toutes ces grandes affaires qu'on a citées, on ira pas sur la Lune, hein. Que ce soit Apollo, Watergate, 11 septembre, tout ça, c'est toujours le gouvernement américain. Et c'est vrai que le gouvernement américain, dans la typologie, on va dire, des... Même le Area 51. Ouais. Finalement, suscite beaucoup de fantasmes. Ouais, le gouvernement américain, c'est vraiment l'archétype du mec qui... Enfin, de l'entité qui fait des complots, quoi. Et qui est relayé à fond par la pop culture, du coup. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Mais il y a aussi autre chose, on pourrait en parler peut-être maintenant, parce qu'il y a le gouvernement américain et il y a aussi l'axe américano-sioniste. Ah, ah. On l'a entendu cette... Moi, aujourd'hui, cette phrase, c'était en 2004 chez Foggial, quand Denis Villeneuve fait son spectacle, son sketch assez perturbant. On s'en souvient tous, un moment très gênant pour tout le monde. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi l'axe américano-sioniste et tout? Et du coup, c'est une des plus grandes théories du complot du monde, la théorie judéo-maçonnique, la ouais. théorie sioniste. Enfin, ça tout part du complot du juif, qui a été en fait, après, qui part dérivé... de très loin. Ça a été dérivé en mille trucs différents, mais là-bas, c'est le complot du juif. Bah, le juif qui a tué Jésus, quand même. Déjà, ouais. C'est de ça que ça part. Et les juifs siphonnaient le sang des enfants chrétiens pour en faire du pain. Quoi ? Eh oui, bah, c'est ça. Non, mais à la base, la théorie du complot... Le pain du jaquet. Pourquoi jaquet ? Pourquoi pas Harris ? C'est vrai. Moi, je sais pas. Moi, ça me perturbe. Non, non, mais à la base, c'est ça. Le complot juif, c'était surtout entretenu par l'Église catholique. À l'origine, qui considérait voilà que les juifs étaient voilà les auteurs du péché d'avoir tué Jésus. Ouais. C'était aussi le mythe du juif errant. Et ça faisait un bouc émissaire assez sympathique pour beaucoup de problèmes qui se passaient. Bah, c'est vrai que les juifs sont quand même à la top place de toutes les théories du complot. À chaque fois, c'est plus ou moins les juifs. Et c'est génial. Et il y a même une section juive dans toutes les théories du complot. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans chacun de mes. Alors attends, je peux par exemple te sortir un exemple. Par rapport au Area 51, ouais. On a un auteur assez connu dans les théories du complot sur ce sujet qui s'appelle Jim Mars, qui expliquait que les juifs étaient en relation avec l'arbre monde. Et, l'arbre monde, allé trop vite. Tout un programme. Et qui permettait en fait d'entrer en contact avec les gouvernements américains. Où les juifs et les anciens astronautes qui avaient été en contact avec les extraterrestres lors de leur contact dans l'espace permettaient de transformer les juifs en surrace alien qui aspirait l'argent de l'économie mondiale pour le renvoyer en énergie vitale vers les extraterrestres. Véridique, monsieur Jim Mars, regardez sur internet. Ah ouais, ça a l'air bien. Et à chaque fois, et c'est ça qui est génial, c'est que dans toutes les théories du complot qui existent, tu as une sous-section juive parce que les juifs sont partout selon les complotistes. Oh, non, tu t'es rattrapé, on me disait ça. Non, mais il y avait eu un vrai truc par rapport à ça, par rapport au 11 septembre. Non, mais du coup, la question c'est plutôt d'où vient le complot juif, plutôt de dire qu'il y a des juifs partout. Pourquoi? Bah, c'est vrai que j'avais des anecdotes. Il y a l'idée que chrétienne en général, que les juifs ont livré et donc tué Jésus. Et c'est vrai que dès le 13e siècle, un des premiers vrais complots. Enfin, une des premières vraies théories du complot, c'est le complot des lépreux. C'est vrai. Qui veut que 13e, ouais. les lépreux complotent avec l'aide des juifs contre les gentils. Alors que les lépreux, comment tu veux qu'ils complotent? Bah, les mecs, ils ont les mains qui tombent en flex. Assez vite, en fait, au début, c'était les lépreux qui complotaient pour contaminer tout le monde. Ils ont même on sait pas trop pourquoi, mais ils faisaient. Et assez vite, on s'est dit, bah écoutez, les lépreux, ils peuvent pas trop le faire, donc ça doit être les juifs. Et les juifs étaient censés contaminer l'eau des puits pour que tout le monde devienne lépreux. Ah, je crois que tout le monde devienne juif. Non, non, justement, c'est pour que tout le monde devienne lépreux et puis bah, qu'il ne reste plus que quoi. Entre lépreux. Mais non, parce que les lépreux, le lépreux n'a pas une espérance de vie très très très longue. C'est vrai que le lépreux est biodégradable. Bah oui, puisque les juifs aspirent leur force vitale. C'est comme un cachet d'aspirine. Il est effervescent. En fait, les lépreux se sacrifiaient dans l'eau des puits. Du coup, ouais, c'est ça. Les juifs foutaient des lépreux dans les puits. C'est comme ça qu'a dit les Feral Grand. Que s'appelle Orio Kézac. Mais c'est, on a tous habité à Orléans ici. Et à Orléans, je crois que c'était au 20e siècle, il y a eu une grande légende qui disait que les juifs qui étaient patrons de boutiques de fringues avaient des cabines d'essayage qui avaient des trappes. Ah ouais. Et qui faisait tomber les gens qui essayaient d'être jeans. Ouais, c'est vrai, j'ai lu ça. Ouais. Et du coup, après, ils vendaient les gens qui tombaient en esclavage. Mais à qui? Bah, au... Qui a acheté de l'esclave orléanais? Au marchand d'esclaves. Voilà. C'était une rumeur pour dire, pour faire peur aux enfants. Le tout Pakistan. Voilà, au tout Pakistan. Merde. Bah, c'est vrai que ouais, les juifs font quand même partie du top de la typologie des complots. Il y a le et notamment partout. Parce que ouais, le juif errant et surtout. Il n'a pas de patrie. Surtout le juif et l'argent. Il n'a pas de patrie, il n'a pas de patrie. Pas à l'époque. Et Balfour alors, c'est quoi? Quoi? Oui. Oui, non, on va s'arrêter là. Surtout Balfour, je positif. les juifs et l'argent ont, à partir d'un moment, vraiment été une sorte d'association. Oui, mais parce que historiquement, il y avait aussi des postes justement de trésorerie qui étaient notamment dans, je pense, au Maghreb, ouais. Qui étaient attribués, même en France, hein. Qui étaient attribués aux juifs justement, qui étaient, ouais. Parce que c'était compatible aussi avec leur religion. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, quand le catholicisme a pris le pouvoir sur la chrétienté européenne, a été associé assez vite l'idée que l'argent c'était sale, donc le chrétien n'avait pas à être banquier, par exemple. C'était pas plus associé au protestantisme qui, ça, qui reprend les critères de finances musulmanes, comme ça, quoi le travail doit générer l'argent et pas, l'argent ne doit pas générer l'argent lui-même. Non, mais ça c'est après. Ouais. Le protestantisme récupère ça, mais il y a l'idée dès les grands siècles, hein, dès le 10e siècle, que en gros l'argent c'est pas très bien. Donc, bah, on laisse toucher ça aux juifs parce qu'on s'en fout, après tout. Oui, et eux, ils s'en foutent aussi. Quand t'étais dans l'église, tu te trempais quand même les couilles dans l'or. Hein. Oh non, s'il te plaît. Oh. S'il te plaît, les juifs, oui, dis l'église, toi. Non. Excuse-moi, je bah, je dis beaucoup plus que toi. Toi, tu dis rien. Bah, moi, plutôt que dire qu'on se trempe les couilles dans l'or dans l'église, peut-être qu'ils font rien dire. Moi, tu m'as dit, t'es pas drôle, t'es pas drôle. J'ai dit, bah, écoutez, je vais peut-être m'arrêter. Tout le monde sait que c'est les enfants en plus, tu dis n'importe quoi. On se trempe les couilles dans les enfants. Mais en gros, ouais, il y a des associations comme ça qui sont historiques. On se trempe les couilles dans l'or, mais l'or a 8 ans par contre. Et donc, cette association qui perdure encore aujourd'hui. Si on regarde les vidéos de Soral, c'est toujours le je sais pas, l'axe. Américano-siono-banquier, américano-communiste. Ah, j'aime bien. Tu trouves ça sale? Ah, ça, ça t'excite, hein? Ouais, bah, un petit peu. Tu vois, j'ai un petit extrait, une petite citation d'un grand penseur, un mec que je respectais beaucoup jusqu'à 2-3 jours, Bakounine, un penseur anarchiste russe, un peu le Père Noël anarchiste, hein, il a une très belle barbe, allez le voir. Jusqu'à ce que je tombe sur une petite citation. Alors, je vais vous lire ça. En gros, en 72, il écrit un petit truc et il réunit dans le même complot les juifs qui complotent pour la domination universelle, le pôle capitaliste, la banque Rothschild, et le pôle communiste marxiste, Marx. Il dit c'est tout. Ah, c'est super banco du complot, quoi. Voilà, oui, Alain Soral avant les YouTube. J'ai fait un puissance 4. Alors attention, c'est très simple, il parle de sexe. Il parle de sexe. De sexe exploitant. Il dit tout ce compte juif constituant une secte unique exploitante est maintenant au moins en grande partie à la disposition de Marx d'une part et de Rothschild de l'autre. Le fait est que le socialisme autoritaire, le communisme marxiste exige une forte centralisation de l'État, et là où il y a une centralisation de l'État, il doit nécessairement y avoir une banque centrale, et là où il existe une telle banque est la nation juive. Donc, en gros, ouais, il était un visionnaire, un visionnaire. Voilà. Il a dit ce qui est du capitalisme ou du communisme, il y aura un État et donc une banque et donc des juifs. Et le mec bah, avait tout compris avant tout le monde. Hein, CQFD. CQFD, voilà. Voilà, on retrouve Bakounine aux éditions Contre-Culture. 45€, comprendre l'Empire. Ouais. Mais voilà, c'est. Du coup, on arrive au 19e, les complots vraiment prennent une forme. Se développent, parce qu'en fait, la théorie du complot, telle qu'on la conçoit maintenant, elle commence à la Révolution française. Parce que ouais. On se dit. Ça n'a pas pu arriver. On est en train d'entrer dans la partie 3 là. Non. On se dit, à la Révolution française, on se dit l'ordre, on se dit l'ordre est niqué. On se dit pas possible que le roi descendu de Dieu qui nous gouvernait parce que c'était la loi, parce que c'était Jésus. Tout est fini. Ça n'a pas pu arriver comme ça par hasard. Ça n'a pas pu juste arriver par le pouvoir du peuple. C'est pas possible parce qu'il y avait un ordre établi. L'ancien régime, comme on dit. Donc ça explique des choses qu'on comprend pas. Et du coup, là, on se dit bah attendez, c'est pas normal. Il y a dû avoir un complot. Et du coup, là, toutes les théories du complot du monde commencent à peu près à ce moment-là. En fait. Ouais. Bah, le premier, je crois, sur. C'est Mémoire pour le jacobinisme, ou je sais plus quoi. Ouais, de l'abbé Baruel, exactement. C'est ça. Baruel qui prend connaissance d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati de Bavière. Ah, on arrive dans le game. Qui est une petite société qui a duré à peine une dizaine d'années, il me semble. Et Bon, en gros, c'était 12 connards qui buvaient des cafés ensemble en se disant oui, ce serait bien de buter le roi. Ouais, bah c'est un peu le principe des francs-maçons aussi. C'est un peu le principe des francs-maçons. Et Barwell dit bah c'est un peu chelou et en gros, c'est un peu de leur faute tout le bordel qui arrive. Parce que faut rappeler quand même que la Révolution française a été globalement un joyeux bordel où on a buté pas mal de monde. Et l'abbé Barwell dit bah voilà, c'est de la faute d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Assez vite, les Illuminati ont été donc interdits, c'est pour ça qu'ils ont duré une dizaine d'années. Mais. Sous la plume de l'abbé Barwell, ça devient une société assez puissante qui après a été associée un peu plus tard aux Templiers et donc au sionisme ouais. Par des manipulations historiographiques. Ouais, le sionisme ça a été introduit surtout grâce au protocole de gestion, c'est là que ouais. Ça a commencé à vraiment être lourd. Mais il y a eu beaucoup de théories c'est, en fait, c'est hyper intéressant d'ailleurs cette histoire. Qu'on mêlait les Templiers. Donc les Templiers avec Baphomet et des sociétés secrètes, il y a toujours une racine un peu occulte en fait liée avec l'idée du secret, parce que c'est vrai que les Illuminati étaient une société secrète. Je pense qu'il y avait à peu près 20 connards hein, dans les Illuminati, qu'on dirait 10 ans, puis après ils sont dit oui bon on est interdit donc on va fermer notre gueule. Mais ça a excité quand même le fantasme. Ouais, et aujourd'hui quand même 20% de... Excite. J'ai lu un article qui a été publié il y a quelques jours, je sais plus dans quel journal, qui citait une étude qui montrait que 20% de la population française pense que les Illuminati contrôlent l'économie mondiale. C'est fou. Moi, ça m'étonne déjà que 20% de la population française sache ce que c'est que les Illuminati. Vraiment. Mais je crois qu'il y a à peu près 50% des Français qui connaissent au moins de nom. Ouais, mais de nom. T'as entendu oui. Ça une fois dans ta vie. Parce ouais. Que c'est ce qu'on disait, c'est tellement rentré dans la pop culture. À chaque fois que tu vois un putain de triangle sur une image, c'est les Illuminati. Du coup, ouais, forcément, t'as oui. Déjà entendu ça dans ta vie. Et bah, ça y va y pas y pour y autant y... dire que tu sais ce que c'est. Je mais crois même, qu'il y en a un qui va dire bah oui, ça commence en Bavière, chez... non, mais non. Mais non, mais justement, même chez les mecs qui pensent que les Illuminati contrôlent le monde, ils savent pas nécessairement que c'était 20 connards en Bavière, tu vois. Ouais. Ils pensent juste qu'il y a une société secrète qui s'appelle les Illuminati, qui au-dessus est plus... de la masse, toi, Steven, finalement. Qui est plus... Non, c'est pas ça, c'est que bah si t'étudies un peu le truc, c'est un peu bah 20 connards en Bavière. Non. Bien ouais, la bière sur les notes est partout. Bravo à ça, complot. Qui a fait ça, complot. Je suis content d'avoir mis la carte son loin de Zaza. Mais du coup, on en revient parce que là on a un peu dérivé au 19e siècle, mythe du juif, etc. Il y a eu beaucoup de complotistes qui sont révélés à cette époque-là. Et on peut parler du coup des protocoles des sages de Sion. C'est un peu plus tard, ouais. Bah, c'est début 20e, mais c'est le paroxysme de la théorie du complot. Ouais, bah on quitte un peu les Illuminati, on retourne sur le complot sioniste ou juif. Bah, les origines, on parle du complot. Enfin, c'est compliqué. Il y a d'un côté les Illuminati, de l'autre les judéo-maçonniers. Et du coup, et de l'autre côté les francs-maçons et les juifs. Et parfois ouais. On met les trois ensemble. Ouais, souvent on met les trois ensemble. Souvent parce on que... dit, souvent on dit il y a les Illuminati et en dessous les judéo-maçonniques. Pour refaire un tout petit point d'histoire, c'est vrai que les Illuminati n'auraient pas existé sans les francs-maçons. Et les francs-maçons, pour situer très très rapidement, c'est... Ouais, c'est... Moi je comprends pas ce que c'est les francs-maçons, si vous pouvez m'expliquer. Alors les francs-maçons, c'est... Aujourd'hui ça existe toujours. Les portugais honnêtes. C'est de la merde comme blague. C'est une société secrète qui a commencé dans, on va dire, globalement au 18e siècle. Il y a des grandes, toutes les grandes personnalités en fait qui ont marqué ces siècles-là ont fait partie des francs-maçons. Il y a, c'est un peu la jet set. C'est un peu la jet set en fait. Et aujourd'hui encore, c'est un peu la jet set des grands patrons. Ça fait bien d'être franc-maçon quoi. Et si tu veux, ça crée un réseau. Et il y a eu tout de suite l'idée que, comme ils fermaient un peu leur gueule, ils essayaient de se cacher. Pour rentrer chez les francs-maçons, c'est très compliqué. Il faut déjà être. Moi j'ai connu quelqu'un qui maintenant est. Un bac pro. Non, qui maintenant, donc je connais quelqu'un qui maintenant est au Front National, qui m'avait raconté une fois avoir essayé de rentrer chez les francs-maçons. Et en gros, pour rentrer chez les francs-maçons, il faut déjà être parrainé par un maçon. Par un logeur. Ouais, qui va t'introduire auprès d'une comité qui vont essayer de... Là, tu dois franger ta propre truelle. Pendant quelques heures, vont essayer de te juger pour savoir s'ils peuvent te recevoir ou pas. Tout ça est fait avec une sorte de cérémonial. Il m'avait raconté qu'il avait les yeux bandés. On lui a demandé. On lui a introduit des trucs là où il voulait pas. C'est ça. C'est comment? Et puis après, il s'est rendu compte qu'il était dans une backroom dans le marais. Il n'était pas du tout chez les francs-maçons. Ça s'appelait la loge, la backloge. Voilà, c'est ça. Et très obscur. Et en gros, personne ne sait exactement ce qu'ils font. ils ont des comités de réflexion sur la société. C'est vrai qu'ils ont, ils ont porté les idées révolutionnaires au XVIIIe siècle. Mozart a fait partie des francs-maçons. Il a révélé quelques trucs des cérémonies, tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire avec tout ça. Bah en gros, c'est un peu des connards qui réfléchissent dans leur coin et qui aujourd'hui... C'est un club, c'est une association. C'est un club. C'est un club de bridge. Mais quoi, c'est voilà. C'est le Rotary pour les connards, en fait. Voilà. Donc on disait que du coup, c'était systématiquement maintenant dans les théories modernes associées au sionisme. Bah ouais, c'est et surtout on voulait que, parler en du protocole d'association. Ouais, c'est ça. C'est que les francs-maçons ont eux-mêmes développé une stratégie du secret. Le but, c'était de ne pas savoir ni qui était franc-maçon, ni ce qu'ils faisaient exactement dans les loges. Aujourd'hui, les francs-maçons commencent à développer une politique d'ouverture, ce qui amuse pas mal. C'est un chantier, quoi. Égalité, réconciliation et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs... C'est un leurre, it's a trap. Non, mais il y a des trucs que certains ministres, par exemple, devraient peut-être pas faire. Najat Vallaud-Belkacem a été... parraine d'une sorte de discussion avec les francs-maçons et la jeunesse, je sais pas quoi. Et du coup, ça amuse un peu les complotistes qui arrivent maintenant à associer les juifs, les francs-maçons et le gouvernement pour faire une sorte de joyeux bordel de tous les... Bah, ça leur fait trop plus de public. C'est ça. C'est pas mal. Et c'est vrai que très vite, comme ça a été une société secrète, on les a vus en association avec les juifs. Parce que les francs-maçons ont eu pendant assez longtemps une politique assez hostile envers l'Église catholique. Voilà, vers la religion. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, le complot sioniste, à la base, donc, est surtout basé sur les protocoles d'association, qui est un fake, en fait, écrit par... un faux putain de sa race. Ouais, c'est vrai. Un faux putain de sa race, écrit par le contre-espionnage russe pour justifier, en fait, la révolution d'octobre de 1917. Ouais. Ouais. Bah à la base c'est ça. Ouais, du coup c'est il y a un chapitre du coup dans ce protocole d'association où t'as les 13 grands rabbins qui viennent se réunir dans un cimetière, enfin un truc super glauque et viennent discuter de l'organisation. C'est là que t'as l'idée de l'organisation d'un complot mondial qui vise. Ils se réunissent tous les dimanches. Alors cette semaine on fait ça. C'est le Shabbat quoi. En gros le protocole. C'est le samedi, le Shabbat. Putain. A été écrit. Non, c'est vendredi. Ouais c'est le vendredi. Oui c'est le vendredi. Ouais. Le samedi c'est chez toi. Ouais. Non c'est le vendredi chez toi d'abord. Le Shabbat c'est le samedi. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est quoi chez toi? De quoi tu parles? C'est non mais le jour saint, c'est... enfin le jour de repos chez les musulmans. Chez les musulmans, c'est le vendredi. Chez les juifs, toi, c'est le samedi. Le mec, il est raciste, peste noire. J'essayais de tacler un peu, et le mec ne répond pas. C'est pas drôle. T'es déçu? Ouais, grave. Et qu'est-ce qu'on disait? Le protocole des sages de Sion, c'est un bouquin que vous pouvez trouver assez facilement maintenant sur Internet, qui est maintenant très clairement prouvé comme faux. Même les grands complotistes anti-sionistes aujourd'hui ne l'utilisent pas parce que... Il y a des pays où il s'utilise encore, où il a été très longtemps utilisé. Ah oui, mais Mein Kampf aussi. Des pays arriérés comme le tout Pakistan, tu vois. Finalement, c'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Désolé, je suis resté bloqué sur le tout Pakistan. Et donc, c'est très clairement un faux qui montre qu'il y a une sorte de complot de base des juifs qui essaieraient... Parce que le protocole, c'est une sorte de programme des juifs pour avoir un État et pour dominer le monde. Et faire un nouvel ordre mondial. Ils veulent un gouvernement pour tout le monde. Les Russes s'en sont énormément servis. C'est un bouquin, New World Order, d'ailleurs, de H.G. Wells, je crois. Ah, peut-être. C'est Brave New World, je crois. Tu confonds. Ouais, je pense que tu confonds. Ouais. Je crois que tu confonds. C'est aussi un album assez bon d'Iron Maiden. Ouais, Brave New World, ouais, très bon. Et donc, c'est un faux qui a été créé pour consolider cette idée que le juif complote et ça a été utilisé, je disais, par les Russes, complot à l'envers, par l'Allemagne nazie, sous l'eau. Complot dans tous les sens. Complot ça, c'est fort de fruits. Qu'est-ce que tu as? On n'en peut plus. Ouais, avancer, monsieur, avancer. Les complots, les juifs, les Illuminati, tout ça, c'est la même chose. C'est ça le délire. Ah ouais, c'est la fin de la fucking carrière. Non, moi je parlais des formations des Illuminati, t'as commencé à balancer le protocole des sages de Sion. Qu'est-ce que t'as à dire sur ça? Bah, que c'était un faux. De les Russes. Fabriqué à les Paris, Juifs, fin 19ème. Bah oui. Pendant l'affaire Dreyfus et tout ça. Voilà, c'est juste ça. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que tout part du mythe du juif errant qui complote et qui est un banquier qui est attiré par l'argent et qui. Mais comment il complote s'il est errant? Genre le mec c'est un itinérant en fait, c'est un complotiste itinérant. C'est une sorte de il se ramène dans les villes, il va au conseil municipal. Alors je voudrais comploter s'il vous plaît pour la cause juive, comment ça se passe? Il est errant, ça veut dire qu'il a pas d'attache, il a pas de nation à défendre, il veut comploter pour lui. La nation d'Israël. Oui, justement, elle existe pas, après. Donc il doit comploter pour la créer, tu vois. Et c'est pour ça que Stavro disait dans que le mythe du coup la nation d'Israël a toujours existé. Bah oui, c'est finalement sûr. La mère patrie. Ah oui, mais elle a existé pas en acte du point de vue de la diplomatie mondiale. Elle a existé dans l'esprit des sionistes. Oh, c'est trop, après, il y a eu le complot dont parlait Stavro tout à l'heure, où soi-disant la Shoah, c'était une invention des Rockefeller pour. Qui était en fait une étape vers le protocole. Tout ça pour dire que. Dès le 19e, on a même avant, mais après la Révolution française, on a dit c'est les sociétés secrètes, c'est les juifs, c'est tout le monde. Que ça s'est beaucoup développé. Qu'il y a eu le protocole des salutations qui était un faux pour amener encore plus de complots et dire regardez, c'est eux, on va les niquer. Et que c'est comme ça qu'on arrive à l'ère du complot qu'on connaît aujourd'hui, dont on va plus bientôt détailler, dans des circonvolutions historiques qu'on n'a pas du tout bien expliquées. Hein, on peut oui, le dire. Oui, mais on s'en fout, les mais gens ils vont sur Wikipédia. Parce que c'est le complot, c'est compliqué, c'est dur. Hein, c'est compliqué le complot. Mais oh, là, les gars, ça va pas du tout. Hein. Il faut qu'on fasse une pause parce que. Parle des reptiliens. Les reptiliens. C'est... Donne-moi la patate. C'est un complot vachement drôle parce qu'en gros, c'est une race d'aliens qui serait sur Terre, qui pourrait prendre forme humaine et qu'on pourrait repérer à quelques petits traits. Pas caractéristique des humains, mais il est très nul. Genre, en gros, tu regardes une interview d'Obama, à un moment, il fait un signe, en fait, il y a deux choses. Il se lèche les lèvres. Il se lèche les lèvres parce qu'ils ont, ils sont plus secs que nous, je crois, dans leur métabolisme. Ils clignent des yeux, ils ont le cou raide aussi, je crois. Oui. On a plein de vieux signes nuls qui font. Vous avez ils se grattent la paume. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est soit ils se lèchent le nez. Non mais les mecs vont loin quand même. C'est ça qui est génial. C'est que des trucs comme ça où en gros tu mets une interview d'Obama ou de qui tu veux de Michel Rocard et tu te dis lui regarde il s'est léché les lèvres beaucoup de fois, ça doit être qu'il est reptilien. Non, alors qu'il a juste mangé une bonne raclette à midi. Bah voilà, il s'est et finalement c'est un reptilien. C'est ça, et c'est pareil pour les Illuminati aujourd'hui, c'est on fait le signe du démon, genre le truc que tout le monde fait en concert et tout ça pour dire oh, regardez, on lève les des cornes de Satan. Et tout le monde dit oh là-bas, Illuminati. Et à chaque fois, c'est la même chose, on en revient au culte de l'image, mais là on se perd vraiment, il y a plus aucune structure, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, je pense qu'on va faire une petite pause et inviter l'intervenant que tout le monde attendait bien sûr ou pas. Le bien nommé, le reconnu dans le monde du complot, Albin Soral. Allez. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel dans ce nouvel épisode de Faites entrer l'enculé. Nous recevons Albin Soral. Après un CAP lessive, Albin écume les backrooms à la recherche d'une identité. Il finit par échouer dans un cybercafé où il découvre la complosphère. Le Christ cosmique lui révèle son origine. Il est le fils caché d'Alain Soral et d'Albator. Merlin, le Christ cosmique, lui révèle aussi son but, dévoiler à l'humanité les plus grands secrets. Albin a publié divers ouvrages de journalisme total, tels que Le Fist Fucking, le bras armé du Mossad, ou encore son best-seller Les dinosaures portaient des kippas. Plus récemment, il a publié Fort Boyard, une contre-histoire du Guantanamo français. Il revient aujourd'hui avec un ouvrage percutant, sur le Big Deal. Alors Albin, d'abord j'ai envie de vous poser la question, quelle a été pour vous cette révélation par le Christ cosmique de cette filiation assez étrange entre Alain Soral et Albator? Écoutez, bonsoir déjà, merci de m'avoir invité. Hein. C'est très simple, hein, j'ai découvert ça c'était sur un site, je me souviens, c'était la NPE. à l'époque, hein, bien sûr, on était en 2002. Et je me suis dit, pourquoi tous ces soucis n'ai-je pas un chemin de croix, hein, dire comme Jésus, le juif le plus célèbre de tous les temps, bien sûr. Un chemin, quelque chose à accomplir, une quête. Et je me suis dit, tout ce qui m'a fasciné dans la vie toujours, c'était... Alors déjà, les vidéos d'Alain Soral, hein, Comprendre l'Empire, bon, je l'ai lu 127 fois, voilà. J'ai même dit... Alain Soral, votre père, n'est-ce pas? Alain Soral, mon père, mon père spirituel, parce que mon père... Mon père était maçon, hein, donc il habitait porte de Clignancourt. C'était pas la même tisane, comme on dit. Hein. Enfin bref, non parlons pas. Donc Alain Soral, mon père spirituel, et Albator. Et je vous dis, comment j'ai pu être attiré, s'il vous plaît, enfin, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma mère, attiré par ces deux pôles, vraiment, qui n'ont rien à voir. Si, c'est parce que j'en suis la fusion. C'est parce que simplement, enfin. Comment j'aurais pu être seulement par hasard attiré par Alain Soral, par Albator et dans un cybercafé au prix assez exorbitant, sans raison, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, Albin, à l'époque, je m'appelais encore Jean-Claude, mais j'ai changé mon nom. Albin, tu dois faire quelque chose de ça. Albator, Alain Soral, pourquoi, vous me posez la question assez ignorante, mais je vous en veux pas, hein. Pourquoi les deux? Mais est-ce que les deux, c'est la même personne? Albator était un pirate de l'espace, un peu un renégat, pourchassé par l'Empire, parce qu'il voulait vivre des aventures et simplement exister en tant que personne. Et Alain Soral, c'est la même chose contre les Juifs. Les Juifs, bien sûr, ne sont pas des aliens, hein, ni des gens de l'espace, mais ils sont, c'est l'Empire terrien qui nous contrôle. Et Alain Soral est à la Terre ce que Albator est à l'espace. Voilà, donc, j'espère avoir posé votre question. Voilà. Merci Albin. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre avec le Christ cosmique? Le Christ cosmique que. Sylvain Durif, voilà. l'homme vert, Merlin, Oriana. Voilà. J'ai rencontré du coup à Bucarache en 2002. Et il venait de rentrer d'un petit trekking dans un vaisseau de la Vierge. donc un vaisseau oblong, hein, adoré, à ne pas confondre avec les vaisseaux, bien sûr, de Nazareth. Qui sont, oui, bien sûr. Isocèles. Isocèles et tandis que point de croix, d'accord, en point de croix cosmique, ça n'a rien à voir, mais je vous expliquerai. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Sylvain Durif. C'est écrit dans ses mémoires, vous pouvez les voir sur internet, sylvaindurif.fr. Et donc, Sylvain m'a dit Albin. Donc il a connu mon nouveau nom, même pas tout le monde m'appelait encore Jean-Claude à l'époque, mais lui, ça savait déjà que j'étais Albin. C'est lui qui m'a donné le nom d'Albin d'ailleurs. Et il m'a dit Albin, tu as une mission. Albin, tu as. Et je me suis dit, oui, il a raison, Albin, j'ai une mission. Non, attends. Et je me suis dit, et bien sûr, si lui qui avait du coup déjà montré beaucoup de mythes, la Terre creuse, il avait montré Agartha, les aliens, les géants, il avait déjà tout compris, les faits, vous avez vu cette interview, j'imagine, hein, bien sûr, où il a été, bien sûr, abducté par des géants pour aller sur Aldébaran, hein, c'est un surhomme. Et je me suis dit, si cet homme-là, très important dans le cosmos, me parle et me dit, Albin, tu as une mission, je dois m'en acquitter. Et c'est pour ça que j'ai écrit du coup plusieurs livres, hein, vous l'avez cité, bien sûr, je vous en remercie, ils sont seulement à 40 euros pièce chacun. Éditions Contre Culture, évidemment. Aux éditions Contre Culture. Les 10 heures portées d'Equipa, vous l'avez dit. Hein, C'est vrai que vous avez une plume percutante. On l'a vu notamment dans Fort Boyard, Contre-histoire du Guantanamo français, où il y avait des formules percutantes. Je n'en parlerai pas ce soir parce que je suis en procès avec le père Fouras. Donc, D'accord. J'en parlerai pas, je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. Mes avocats m'ont interdit d'en parler ce soir. Je viens pour présenter mon nouvel ouvrage. Hein. Alors, c'est vrai que vous revenez aujourd'hui sur la scène médiatique. Avec un ouvrage. Enfin, médiatique, personnalité, parce que je suis plutôt blacklisté de tous les plateaux. Hein. C'est vrai, donc, un ouvrage qui s'appelle Bill nous met les boules. Pourquoi? C'est très simple. Donc, vous êtes tous, bien sûr, 95, début du Big Deal, hein, bien sûr. On est tous jeunes et influençables. On a regardé ça, on était amusés hein, par cet extraterrestre mis en cage dans une grande télévision. On regardait tous le Big Deal enfant et on s'amusait de cet être en cage, cet être bleu. Bleu comme la mer, bleu comme ce qui nous fait vivre, et on rigolait. Et moi, je me suis dit, plus grand, une fois que je suis devenu qui je suis, Albin Soral, comment est-ce possible qu'on laisse faire ça à la télévision française, qu'on mette en cage un être vivant? Parce que Bill, tout le monde a dit, enfin, ça c'est bien sûr les théories officielles, hein. Bill a été créé, designé par quelqu'un, c'est un ensemble de pixels, c'est un acteur. Non, Bill fait partie de la race des bouliers. Alors, des bouliers. Des bouliers, bien sûr. Vous ne connaissez pas. Je ne connais pas les bouliers et je pense que la majeure partie de nos auditeurs ne connaissent pas les bouliers. Ça, pourtant, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est écrit par Jacques Rochard, 96, hein, dans son ouvrage Les bouliers, le billard, tout est lié. c'est très simple. Donc, les bouliers, une race alien, du coup, qui est sur la. Nous, on est donc dans la galaxie Alpha du Centaure. Ils sont sur la galaxie Bêta. Bêta du Centaure, donc là, c'est à la côté, nos voisins. Et ces gens, ces bouliers, donc ils habitent donc la planète Boulier Rose. Et ils ont envoyé quelqu'un vers nous, Bill. Bill. Bill. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On l'a transformé en bouffon, en fou du roi. Hein, et on l'a mis dans une émission avec Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, dont le grand-père a voyagé sur Bouliéro. Oui. Et qui a collaboré pour ramener un Boulieros chez nous, Bill. Bill. Et son petit-fils, Vincent Lagaffe, en a fait un esclave, un pantin télévisuel. Et forcément, au bout d'un moment, ça n'est pas passé dans la galaxie. Je veux dire, maintenant, on est dans la merde à cause de Vincent Lagaffe, je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tous les Boulieros, du coup, ont découvert l'existence du Big Deal, l'existence de cette torture télévisuelle qui nous a tous beaucoup fait rire, hein, mais qui en fait était d'une cruauté sans nom. Et maintenant, tous les plus grands chefs d'État sont remplacés par des Boulieros. C'est terrible. Et c'est à cause de lui qu'il y a aujourd'hui tout ce complot, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, je suis pas le seul à le dire, parce que bien sûr aujourd'hui, il y a sous mon label beaucoup d'autres auteurs qui ont corroboré mes théories. D'ailleurs, il y a un auteur danois qui s'appelle Vincent Schrippenkrug qui a, il y a 2 ans, écrit un ouvrage Les Boulieros, les Boulieros, coup de chapeau, et qui soutient ma théorie. Donc ça vous pouvez renseigner sur internet, c'est très simple. Donc voilà, simplement, je vous dis juste qu'aujourd'hui Vincent Lagaffe est la cause de la perte de l'humanité, est la cause de notre damnation éternelle vis-à-vis du conseil intergalactique. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est dommage mais c'est tant pis. Voilà. Je renvoie tous nos auditeurs à votre ouvrage consacré à Bill du Big Deal, 44 où vous faites vous nous avez donné un bon aperçu de vos théories sur Bill. Vous faites notamment le lien avec Bill Gates qui serait un Bouliéro. Attention, tous les premiers Bouliéros de la planète sont débiles. Ce sont débiles. Tous les billes. Ils sont débiles. Non, tous les premiers Bouliéros. Excusez-moi, monsieur. tous les premiers Bouliéros qui sont arrivés, les Bouliéros Uno qu'on appelle, étaient des billes à la base. Maintenant, bien sûr, il y a eu des. Du coup, ensuite, Bill, Sibyl, et maintenant Cyril. C'est la troisième génération. et c'est là qu'on en est. Ouais, voilà. Et ça, c'est pas moi. Merci Albin. Nous rappelons tous vos ouvrages publiés sur ces questions, sur ces révélations. Et il y a d'ailleurs en ce moment une promotion. Entrez le code KIPA et gagnez 10% de réduction sur le troisième ouvrage qui sera seulement à 54€. Merci. Merci Albin Soral. Nous rendons l'antenne pour redonner la parole aux chroniqueurs de la Fucking Kermesse qui vont vous éclairer à présent sur la sphère complotiste. Merci et à bientôt. La prochaine fois, nous recevrons Marc Dutroux pour comprendre ses motivations. Eh bien, merci Albin, merci à tous. Merci d'être encore ici, si vous êtes encore ici. Parce merci, ça se discute. Nous, on n'est plus là. nous, on n'est plus là du tout même. Ah, moi, et pourtant, le Ricard m'a tué. On va lancer la dernière partie de l'émission, et heureusement que c'est la dernière, sur, on a vu du coup, comment étaient structurés les complots dans la fiction. Comment étaient mythologisés les complots dans la vraie vie. Et maintenant, on va parler des complots qui se trament aujourd'hui. Enfin, les complotistes, les comploteurs. On va se mettre du côté de Mulder, les mecs qui voient des complots partout. Mais pourquoi ? Pourquoi toujours X-Files ? C'est fatigant. Parce que c'est une référence majeure de la pop culture que tu devrais connaître en tant que chroniqueur dans un podcast de pop culture. Aujourd'hui, on a la transition est toute faite puisqu'on a parlé d'Albin Soral qui est encore hélas assez méconnu, mais le plus grand tenant de tous les complots du monde maintenant, c'est Alain Soral, qui, enfin, c'est assez triste, mais il y a une émission sur France Inter qui parle de ça, des ados à l'heure du complot, qui explique que beaucoup d'ados ne matent plus la télé, regardent que les réseaux sociaux et passent genre de Facebook à YouTube pour s'informer et n'ont que ça. Et du coup, tu peux facilement tomber sur une vidéo d'Alain Soral qui t'explique que les juifs c'est des escrocs, etc. Et c'est vraiment devenu une source d'information de poids, qu'on le veuille ou non, et c'est pourtant un putain de complotiste, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais du coup, est-ce que c'est pas devenu une source d'information de poids parce que c'est quand même dans l'air du temps actuellement d'avoir une méfiance généralisée par rapport aux médias de masse. Avant, c'était quelque chose qui était assez de niche, et finalement maintenant aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même super généralisé. Parce que t'as des médias du genre Fox News qui ont une visibilité énorme, notamment aux États-Unis, et qui diffusent des trucs qui sont officiellement de la grosse connerie, tu vois. Genre, par exemple, ce qui s'était passé par rapport aux... Enfin, des approximations énormes au niveau géographique, historique, et finalement, il y a une défiance générale. Mais et... même, il suffit même en France de regarder TF1 qui a des... Comment dire, qui est financé complètement par des grands groupes de... Des grands par groupes, Bouygues, non ? commerciaux. Et ça, maintenant, c'est public. Et ça, tout le monde le sait. Ils ont caché des affaires, notamment sur le pétrole, parce que le groupe qui les finance a partie liée avec des intérêts liés au pétrole. Ils ont caché des affaires et aujourd'hui, tout le monde le sait. Et ça va aussi avec une montée de l'infotainment. Donc tout ce qui est Petit journal, Last Week Tonight. Voilà, tout ce qui est journal satirique en fait, qui devient du coup une source d'information primaire, tellement les médias traditionnels sont décrédibilisés auprès du grand public en fait. Et du coup ça permet du coup d'asseoir énormément les théories du complot dans l'imaginaire collectif actuellement, parce que surtout depuis WikiLeaks en fait, je pense que pour moi WikiLeaks a été un tournant majeur par rapport à ça. C'est sûr. Parce que du coup, rentrer dans le grand public, pas seulement des gens qui suivent la géopolitique. Du coup, WikiLeaks, c'est Julien Assange, un site qui a dévoilé beaucoup de câbles diplomatiques et d'emails entre banquiers et entre responsables d'État qui montraient que c'était pas net tout ça, hein. Pas joli, joli. Il y avait surtout énormément d'espionnage, même dans des pays qui étaient censés être alliés. Donc finalement, qu'il y avait toute une sphère cachée dans ce qu'on considérait comme acquis en termes de relations diplomatiques. Et du coup, c'est arrivé dans le grand public parce que ça a été relayé par tous les médias. Et c'était pas seulement les gens qui suivaient la géopolitique entre tel et tel truc, tu vois, ou les historiens qui se rendaient compte de cette source publique. C'est-à-dire que tout le monde était au courant maintenant. On sait qu'on nous cache des trucs, mais on sait pas quoi. Parce que le mec lambda, il va pas analyser derrière sa résolution. Le mec lambda, il a YouTube, il a Facebook et du coup, il a l'instant oral. Et du coup, c'est pour ça qu'on vient à cette troisième partie où les comploteurs ont maintenant une vraie force de persuasion. Oui. Mais je pense qu'en fait, il y a quand même une vraie positivité de... Oh là là, positivité. De ces complotistes et en tout cas des gens qui les suivent. On en revient à Carrefour, le triangle, positivité. Jeu positif, oh, non ? Oh merde, t'es sérieux toi, avec t'es cette devenu, blague t'es devenu, oui, non. Pardon. T'es devenu mauvais. Oh, il l'a dit. Tu t'es stavroisé. Oh, ça m'aurait pas plu. Non, je disais qu'il y a une vraie positivité. C'est mal. Pas tant chez les complotistes influents du type Alain Soral et tout ça, mais chez les gens qui les suivent, qui cherchent. Qui ont une forme d'esprit critique, et là j'ai l'impression que je suis en bateau, donc ça va être mais oui, mais parler. c'est parce que les mecs ils ont des vies de merde, non, parce qu'ils sont là, mais ils sont en train de gratter leur putain de tac au tac, et ils sont là. Si j'ai gagné que 2 euros pour rembourser mamie, c'est parce que il y a les juifs qui m'enculent derrière. Non, c'est ça, oh, ça finalement. Y est, science, non, c'est pour ça que ça marche. Le bourgeois vous méprise, messieurs dames, regardez-le bien. Non, moi je pense qu'il y a une vraie positivité à dire, ok, on nous dit ça. Mais est-ce ça veut que dire quoi, une positivité? Il y a une forme, et c'est de ça que se révèlent les complotistes, d'une sorte d'esprit critique et d'un scepticisme. Sauf que le scepticisme. Comme les fausses sceptiques. Oui, bon, oui. Non, une blague plus vieille que nos grands-mères, effectivement, si on ajoute leur âge. Putain, j'ai l'impression d'être en bateau, c'est horrible. Pourquoi d'être en bateau? Parce que la tête tourne. Ah! Et donc, moi je dis qu'il y a une vraie positivité parce qu'on cherche à remettre en question continuellement ce qu'on nous raconte. Et ça, on peut pas dire que ce soit fondamentalement mauvais parce qu'on cherche la vérité derrière ce qu'on nous dit. On cherche pas finalement, on nous ment. Non, je dis pas ça. La vérité est ailleurs. Faut connaître, bah grave. Je dis pas que la vérité en elle-même est ailleurs. Je dis que. Ne pas se fier à des grands médias, c'est pas nécessairement une preuve de reptilianisme primaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Évidemment que non, parce que moi non. Oui, mais du coup, il n'y a pas de stade intermédiaire. Le problème, c'est que c'est récupéré par des grands systèmes qui se réclament du doute tout en proposant continuellement la même solution à ce doute. Bah, tout est crédible ou rien n'est crédible, en fait. Dans ces sources-là. Soit les grands médias traditionnels doivent tous fermer leur gueule parce qu'ils sont contrôlés par Monsieur Rosenthal, ou non mais finalement dans les complotistes c'est ça, ou tu peux croire en l'establishment et du coup tous les mecs qui sont en train de balancer des théories du complot derrière sur internet c'est des bolosses qu'il faut pas écouter. Ouais, c'est ça. Alors soit il y a ça, soit il y a le moindre mec qui a un site pourrave en HTML5 où il dit ce qu'on nous dit c'est des conneries. Et bah tout de suite est crédité d'une forme troublant de subversivité. Lui il dit pas la même chose que tout le monde, donc du coup il a forcément raison. Ouais. Je dis pas que ça c'est bien. Je dis pas que ce fait de dire lui c'est un connard donc il a nécessairement raison, c'est bien. Mais le fait que on doute des sources d'information, en tout cas dans un esprit démocratique, ça peut pas être nécessairement mauvais. C'est juste douter du fait que les personnes qui nous gouvernent n'ont pas nécessairement que des bonnes intentions à notre égard. Ouais, non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les théories du complot qui sont finalement les plus prégnantes comportent un soupçon de vérité qui fait que, qui justifie ce type de raisonnement en fait. Tu le 9/11, les liens entre la famille Ben Laden et Bush, ils sont avérés. Tu vois, genre c'est bon, les reptiliens après ça a peut-être moins de base de vérité, tu vois. Mais c'est ça qui fait que mais justement ça a une base de vérité qu'on a déjà vu dans toutes les dans tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, même si on le fait mal. C'est que c'est le truc, c'est qu'on a vraiment digéré tous les trucs que nous avons fait à la pop culture. Les reptiliens, c'est V 30 ans après. Mais quand on digère, qu'est-ce qu'on en fait? La série V. On en fait du caca. Et oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui. La série V où on voit. Ça y est, Zaza dit caca, il est tipard. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est vraiment la joie avec laquelle il a dit caca. C'est ça qui m'a rendu fou. Bref, la série V qui date de 83, où en gros, il y avait des aliens qui nous avaient infiltrés et qu'on pouvait reconnaître parce que leur petit doigt était raide et qu'ils ne buvaient pas assez d'eau. Maintenant, c'est la même chose, mais avec des reptiliens. Maintenant, c'est quoi la série V? Bah, c'est ça, V, c'est les visiteurs. C'est moins classifié que les... C'est la série V, les visiteurs. Par rapport aux séries Z. Non, mais c'est un nom d'une série. Aux séries en fait. B. C'est entre les séries B et les séries aucune... Z. Le mec, il a aucune référence. Aucune référence pop culture, quoi. Non. Il nage dans le flou. Et est-ce que t'es capable de me citer trois enfants de la famille Ingalls pour rester dans FK? Charles? Non. Pas non. C'est le Patrick. Charles, c'est le père. Patrick, Max. Non. Et Jonathan. T'as même pas Laura, quoi. Laura, Marie et Carrie. Même pas. T'as même pas Laura, Marie et Carrie. Mais toi, mais t'as pas vu le reboot, toi. Mais c'est pour y ça. Y a pas de reboot. Mais avec mec. Jean-Michel. Mais bien sûr que si. Non, mais t'as pas de référence. Mais vous suivez pas, t'es les gars. Illégitime vous êtes pour perdu parler dans, dans FK. Vos fantasmes. Non, on dit ça là grâce à un complot. C'est tout. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, pour revenir à notre sujet, avant je disais de... du coup que on avait digéré ce qu'on avait appris à la culture, que maintenant V c'était pour les reptiliens. Faire du caca. Que V c'était les reptiliens 30 ans après, mais maintenant on y croyait vraiment. Que la posture de Mulder en tant que mec qui avait compris des choses mais qu'on voulait cacher, c'était la posture d'Alain Soral, qui est censé avoir des informations plus grandes que nous, qui est une sorte de Mulder maintenant. C'est pas lui Soral. Qui le dit. Voilà, c'est Soral, il a lu des choses, il s'est informé, il a des poteaux placés, et du coup, il veut dévoiler le complot. Et maintenant, c'est ça, en fait, c'est tous les schémas qu'on a vus dans la partie 1 sur les films et, la pop culture du complot sont maintenant dans la réalité. Maintenant, on y croit pour de vrai, c'est plus des films, c'est et YouTube. Et je pense que, ouais, pour le coup, X-Files a eu une vraie importance, parce que d'un seul coup, on a révélé une sorte de grande fiction autour du complot, et toutes les... comment dire... toutes les théories du complot aujourd'hui, si tu regardes n'importe quelle introduction à une théorie du complot sur YouTube, reprend tous les codes en fait qui ont été mis par le générique d'X-Files dans la pop culture et dans une sorte. Comment ça, les codes? Les codes esthétiques et les codes de esthétique. T'as une image de merde finalement. Mais une image un peu chelou avec. Merci Stavro, c'est chiant. Avec des théories un peu bizarres qui sont tout de suite référencées. Arrête, t'es chiant. Et qui sont tous référencés à un gouvernement qui nous manipule, tout ça. X-Files a vraiment mis sur le devant de la scène, parce que ça a été une série, même si tu ne l'as pas vue, et c'est pas grave pour toi, il te reste des choses à découvrir. Lui, il a vu les dossiers du X. C'est presque pareil, mais pas vraiment. Et donc voilà, ça a mis une ambiance. Une sale ambiance, on peut le dire. Une sale ambiance complotiste, qui, du coup, on s'est dit. Pourquoi pas croire ça ambiance plutôt complot, qu'autre chose. Ce pour soir ça, c'est chaud. C'est pour ça que ambiance complot. C'est pour ça que sur le conducteur je parlais de complot. Tout ça c'est faux. Et vraisemblance. Et aussi dans ma chronique, je pense que c'est aussi structurel à la. Oublié ta chronique. Mais bien sûr que vous l'avez oublié. C'est pour ça que je la rappelle. C'est pour ça que je la rappelle. Je pense que c'est structurel à l'esprit démocratique où, après tout, personne n'est plus légitime que d'autres à révéler le relativisme. Bah, je pense que il y a plus de sources fiables. Le relativisme est une comment dire une superstructure directe de la démocratie. Oh, le mec il dit donc finalement être complotiste c'est être sain d'esprit. Non, j'ai pas dit ça parce que j'ai pas dit que être complotiste c'est être démocrate. Je ne sais pas. Je pense qu'en effet quand monsieur les gens veulent savoir. Est-ce que vous analysez tout être ça démocrate c'est être de gauche. Quand non, j'ai pas dit ça du tout. Et être de gauche c'est être communiste. Et être communiste, c'est être juif. Et être juif, c'est... Non, c'est le stade final, ça. C'est la solution finale. Il y a les reptiliens, mec. Donc finalement, on évolue dans un système qui favorise la diffusion de la théorie du complot. Ouais, je pense, exactement. Et parce que, aussi, les c'est intéressant. Les gens qui gouvernent jouent avec ce complot, jouent avec le secret. Et dans ce cas-là... Parce qu'on ne peut pas ignorer ni aux États-Unis les trucs comme le Watergate, ni en France le RPR et les emplois fictifs et compagnie. Le RPR. le RPR, genre au RPR. Les écoutes, enfin, comment ça s'appelle, Clearstream, c'est ça? Ouais, Clearstream, tout ça. On peut pas ignorer tout ça. Donc on se dit, pourquoi croire? Liane. Pourquoi croire ces gens-là plutôt que trois connards qui nous disent que tous nos problèmes vont se régler à partir du moment où on va supprimer l'État d'Israël ou un truc comme ça, où on va se rendre compte que les reptiliens, en fait, c'est pas des conneries. Pourquoi croire ça plutôt qu'un autre à partir du moment où tout le monde nous ment? En fait, il faut juste que ce soit vraisemblable, du coup, le complot. Je pense que le vraisemblable joue vraiment plus que la vérité. Il y a, et des affaires comme Cahuzac viennent infirmer, du coup, ce type de thèse. Si nos auditeurs ont un peu de courage, ils pourront lire un ouvrage d'un philosophe américain, philosophe analytique, qui s'appelle... Je crois qu'il s'appelle tous nos auditeurs un philosophe américain. Bernard Williams. Non, c'est un anglais, je crois, d'abord. Qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Vérité et vraisemblance » et où il met en question ce rapport à la vraisemblance, contrairement à la vérité. Et c'est un ressort essentiel de la fiction. Au XVIIe siècle, par exemple, l'histoire ne doit pas être vraie, elle doit être vraisemblable. Il faut qu'on puisse y croire pour que ce soit intéressant, sinon on s'en fout. C'est la poésie d'Aristote, tout ça. C'est et tout ça. Du coup, c'est un acte de rébellion de s'inscrire en porte-à-faux par rapport à l'histoire nationale. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Et le problème, c'est que c'est récupéré. National. C'est Zaza est complètement défoncé. Le problème, c'est que c'est. J'ai encore une chronique. Ce doute qui est mis dans la société moderne sur tout ce qu'on peut nous dire est récupéré par une poignée de connards qui. De quelle nationalité? Alors écoutez, de quelle confession? Zaza il part en plus. Zaza il est complètement parti. Mais non. Avec Sylvain Duris. On décrédibilise, c'est un complot. Zaza se prend pour le Christ cosmique. Et donc c'est récupéré par un c'est esprit. C'est moi Albin Michel. Enfin Albin Soral, pardon. Par un esprit. Albin Michel. Par un esprit de système qui. Livre, c'est moi. Vous êtes complètement churlés. Qui est récupéré par un esprit de système qui vient apporter des réponses à toutes les questions qu'on peut se poser et qui vient poser même des questions qui n'ont pas à se poser. Qui aussi permet de. Enfin, en gros, si tu crois un truc et qu'on te dit non, c'est faux, tu dis ah, tu dis ça parce que t'es dans le complot. Ouais, c'est ça. Et je parlais dans la chronique, je parlais du fait que Alain Soral décrédibilise tous les gens qui ont pu faire un minimum d'études. Moi, je l'ai vécu avec un. Ah oui, parce que c'est des gens qui sont capables de prouver que sa thèse est complètement conne. Ouais, moi c'est ça. C'est vraiment un argument de défense rhétorique qui est assez classique et assez faible. Mais moi, je l'ai vécu avec un de mes potes qui est soralien et qui petit à petit, plus il regardait les vidéos de Soral, moins il voulait parler avec moi. Parce que pour lui, il a fini par me le dire que j'étais devenu une sorte de soldat d'Israël sans le savoir. Et bah ça m'a fait un peu chier parce que je me suis dit bah je savais pas. Peut-être je peux récupérer de l'argent à cause de ça. J'en avais aucune idée. Et il voulait plus me parler parce que. T'avais été lessivé par Ariel. J'avais. Ariel Sharon. Ah ouais, merci. J'avais. Ariel a lessivé. La blague. La blague était déjà faite en fait. D'accord. J'avais été récupéré par le biais de mes études par une sorte de complot généralisé fomenté par Israël où j'étais devenu un connard. Un pion. Un pion, c'est ça, un pion. L'échiquier. J'avais la culture de la Shoah, tout ça. Je disais, bah peut-être les juifs, en fait, ouais, ils ont un peu souffert dans leur vie. Et puis là, ils me disaient, bah non, quand même, c'est des conneries, on t'a appris ça à l'école et puis toi, tu l'as cru comme un con. Mais du coup, on en revient au mythe, enfin, à l'effet positif du dévoilement. Genre, lui, il a compris, pas toi, du coup, il se sent malin, quoi. C'est ça. Et oui. Il faut bien qu'on existe en même temps. Attendez, nous on fait un podcast, mais ils croient pas aux chambres à gaz. Est-ce voilà. qu'on n'est pas chacun sa spécificité. Des complotistes dans le milieu de la podcastosphère française. Non, nous on est le complot, parce qu'on n'aurait pas dû être là. Quelque chose a dû se passer pour qu'on s'en soit là. On complote contre les auditeurs français finalement. On complote contre le bon goût. Est-ce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, il se passe plus rien. Parce qu'en fait, la carte son, on n'a plus de batterie. Donc, est-ce qu'on passe à une petite VP? Oh, de toute façon, c'est fini depuis longtemps la fucking carte. Oui, c'est fini depuis 6 mois. Oh, mais on est complètement bourré là tous. Oui. Allez, on passe à une VP. La VP. Alors, on se retrouve du coup tout tous en cœur pour la vie, Patrick de Zaza. Zaza, cette semaine, Patrick, je crois, va en Thaïlande. Ah, je crois qu'on est tous complètement raides. Effectivement. Effectivement. Patrick va en Thaïlande et on est raides, effectivement. Patrick, tu m'avais manqué. La dernière fois qu'on t'a vu... Attends, c'était quand ? Ah oui, oui, oui, on me dit dans l'oreillette que le cours de la Légion d'honneur sur eBay était encore largement supérieur à celle du pins à l'effigie de Philippe de Villiers datant de 2009. C'est dire ? Qu'est-ce que tu dis ? Patrick, on vit quand même dans une sale époque. Daesh nous menace. La Corée du Nord fait ses essais. Le 15 de France ne les fait plus. Une sale époque, vous dis-je. C'est pour ça que je te propose, mon patochon, de partir loin d'ici, dans un pays connu pour sa culture d'une richesse incomparable, sa gastronomie d'une finesse inégalable, la boule, ses enfants d'une étroitesse intolérable. J'ai nommé la Thaïlande. La Thaïlande est une royauté un peu particulière. Son monarque, Rama IX, âgé aujourd'hui de 69 ans, a jugé bon pour conserver son fantastique charisme de ne pas remplacer ses innombrables portraits géants qui embellissent chaque recoin de la capitale depuis les années 70. Oui, mais voilà, Raminou, tu ne trompes personne. C'est comme quand une meuf laisse une photo datant de plus de 3 ans en photo de profil sur Facebook. Statistiquement, on peut émettre l'hypothèse qu'elle mesure désormais son poids en quintaux. Alors Patrick, il faut également savoir que dans leur exposition de leur culture fantastique, les Thaïs sont quand même un peu monomaniaques. C'est un peu « Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha !» Chaque pas de porte d'une pièce abritant un Bouddha est prétexte à te soutirer tes deniers. Patoche, donc fais bien attention où tu mets les pieds. Ne te laisse pas embobiner par ces autochtones qui t'assurent que « Yes, yes, very beautiful, this Buddha special !» C'est le plus petit, le plus grand, le plus moche, le plus équilibré dans sa composition entre l'étain, le tungstène et le polystyrène. Oui, mais celui-là a peut-être un téton plus large. Stop ! Finalement, pas tout, les Bouddhas, c'est comme les attentats suicides au sud de la Méditerranée. Une fois que t'en as vu un, tu les as tous vus. La gastronomie n'est évidemment pas en reste, comme je te le disais. Bien qu'il soit acquis que toute nourriture de pays situés sous la Méditerranée est synonyme de poussée volcanique fécale, la Thaïlande tire quand même son épingle du jeu grâce à une nourriture à base de riz permettant de compacter gentiment tout ça. C'est comme le GHB dans son verre, tout est une histoire de dosage. Les piments utilisés te permettront à chaque envie de paix de découvrir la variante locale d'un jeu bien connu, la roulette thaï. Il suffit de penser à ton sphincter comme un barilet et le tour est joué. Putain. Oh non. Finalement, comment parler de la Thaïlande sans parler du petit guide du Frémi ? Non, pas FMI, rédigé par DSK, quoi que ça aurait pu, mais bien le Frémi qui tire son nom de celui qu'on surnomme le grand explorateur du culturel, j'ai nommé Frédéric Mitterrand. Oh non. Tu pourras ainsi marcher sur ses traces, car il en a laissé plus d'une, en t'aventurant dans un des nombreux sites dédiés au plaisir qui jalonnent les territoires thaïlandais. Tous tes rêves les plus fous seront réalisés. L'absence de courbes thaïs en font notamment d'excellentes planches à sniffer. Un conseil cependant, Patou, si tu ne veux pas de mauvaises surprises, je te conseille de leur faire chanter la Marseillaise au préalable. Si ça ressemble plus à la version de Serge Gainsbourg qu'à celle de l'âme, j'espère pour toi que ce n'est pas ton soir de roulette thaï où tu sortirais perdant à tous les coups. Qu'est-ce que je dis ? Mais Patrick, je ne me fais pas de soucis. Je suis certain que tu sauras tirer ton épingle du jeûne pour la mettre là où bon te semble. Oh, c'est beau. C'est fini, c'est fini. Mais il n'y a pas assez de viol d'enfant là-dedans. Oui, il n'y a pas de viol d'enfant. Ah oh bah si, toute la fin. Oui, mais ça reste soft. Ça reste soft. Zaza nous a dit, oui, les procès, tout ça. Bah ouais. On est presque déçus, c'était quand même... Nous, on attendait tes histoires de singes dans la Thaïlande. Ah, c'est vrai que ça, on pourrait en parler. Non, parce que c'est pas intéressant. Zaza a si, été Zaza en Thaïlande. S'est fait attaquer par des singes. En Thaïlande. Tweetez-le, il pourra vous répondre. Voilà. Hashtag Aladdin, bien sûr. Hashtag Aladdin, on va trouver. Oh là là, cette FK était fastidieuse. La FK, j'allais dire, de l'apocalypse. La FK du complot où on comprend qu'en fait on n'a rien à faire devant des micros parce qu'on est pas bon. Et une FK qui enfin se termine. Merci à tous d'avoir écouté parce que franchement c'était une souffrance. Si vous êtes arrivés jusque là, merci à nous. Insultez-nous sur Twitter, vous avez bien raison de le faire. Dites-nous que c'est de la merde, dites-nous qu'on devrait s'arrêter maintenant. Que c'est trop sérieux. Voilà, parce que ça ne fait pas de blagues. C'est vrai que Zaza, on t'attendait quand même sur le complot. C'est et là, t'es resté depuis, soft depuis, et tout. Depuis le mec est fonctionnaire. Une période compliquée. Le mec maintenant est fonctionnaire et du coup, il depuis fait 18 quoi, FK, il nous dit le complot, les juifs. Et là, on parle du complot des juifs. Et... Alors, excusez-moi, je pense que en termes de positivité, on peut dire que voilà, le mec n'est pas cohérent. L'establishment est plutôt. L'establishment est plutôt fake de l'alunissage. Enfin, bref. On complote contre moi. Je crois que c'est ça l'idée. Bref, on se retrouve bientôt ou pas. Non, si bientôt. Normalement, on a une FK prévue à la fin du mois de mars. Non, ça n'arrive pas, ça. Et emmerder Stavro pour avoir la GK, parce que normalement, je vais avoir fini de monter la FK avant même que Stavro commence le début de la GK. Oui, mais moi j'ai des problèmes. Allez, allez, qu'on... Bonne, allez. Nuit. Bonne nuit. On bonne vous bourre. Embrasse et puis on va aller vomir tous à la queue leu-leu. Ouais, je pense que ça va être. Et ça va être très bien. Merci pour votre écoute. Et puis n'oubliez pas de penser à nous. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes parce que on les mérite pas, mais. À la queue leu-leu. Merci de prendre ces clats. À la queue leu-leu. Allez, salut. À la queue leu-leu. À la queue leu-leu. Allez. À la queue leu-leu. C'est ça, c'est ça. À la queue leu-leu. Albin Soral. C'est bien la carrière. À la queue leu-leu. Et toi. Tout le monde.